Bonsoir tout le monde, soyez les bienvenus sur Twitch, sur YouTube, sur Next Gen Auto, partout dans le monde, c'est ça qui est beau, pour un nouvel épisode de Grand Prix. On espère que vous allez bien et on va revenir évidemment dans quelques instants sur le Grand Prix de Hongrie de Formule 1 qui s'est tenu ce week-end sur le Hungaroring remporté par Max Verstappen. C'est rare des victoires de Max Verstappen, donc il faut en profiter. Bien sûr, ce sont des petits bonbons dont on se délecte. Parce que quand ça n'arrive pas souvent, il faut rester évidemment toujours voilà, solide là-dessus. J'espère que, en tout cas, vous avez apprécié ce Grand Prix, remporté donc par Verstappen devant Lando Norris et Sergio Perez. Manu l'a apprécié, lui, en tout cas, rassurez-vous. Alors, aussi, quelque chose qui va rassurer tous nos amis qui nous regardent, Manu a atterri. Et il est là, sinon, je ne serai pas là. Comment on va ? Bah ça va, bonsoir tout le monde, effectivement, encore une belle performance de McLaren, et puis un petit débat sur est-ce que le Grand Prix a été intéressant ou non. Moi j'ai trouvé que oui, en dehors du fait qu'il avait quand même été dominé par une seule personne, mais voilà, c'est une course un peu à l'ancienne, stratégique et tout ça, il y a quand même eu des belles choses dans le peloton, et puis voilà, donc pas mal de choses à débriefer évidemment. C'est malin, tu as, je pense, utilisé le bon terme, pour tous les fans, parce qu'il y en a certains dans les chats hein, qui viennent depuis Netflix, voilà, une course à l'ancienne. Mmh. Nous, on les regardait, les victoires de Schumacher, comme ça, à l'époque. Voilà. Les stratégies, ouais. C'était pareil. Et ben, ça nous a rappelé des souvenirs. On dormait, pardon. Oui, ben ça, oui, ça, quand même. Oh, ouais. J'étais jeune, pourtant, hein, mais je m'en suis tapé des bonnes siestes. Hein, sur des dimanches. Le Grand Prix, je peux vous dire qu'on se faisait plaisir. Hein. Si Corexa nous dit, le fan d'AlphaTauri Alpine que je suis n'est pas parvenu à suivre jusqu'au bout. Alors, un jour, tu seras invité dans le podcast, parce que fan d'AlphaTauri et Alpine, c'est une combinaison qui existe très peu. Donc, il faut savoir mettre en avant ce genre de personnage. Paul est avec nous. Alors, vous remarquez que pour la première fois de l'année, nous avons Paul et nous n'avons pas Nico Hülkenberg. Il n'a pas les cheveux blonds peroxydés. Donc, c'est bien le chroniqueur d'Axel Auto qui est avec nous. Comment ça va ? Bonsoir. Ben ça va très bien. Et oui, il était temps qu'on nous différencie. J'en pouvais plus d'être pris pour le sosie. Donc voilà, j'ai décidé de laisser pousser en plus et d'éviter la teinture. Donc voilà, on verra si c'était le bon choix ou pas. En tout cas, effectivement, si vous espériez du spectacle ce week-end, il faudra repasser. Mais je rejoins Manu, Grand Prix très intéressant au niveau stratégique. Et puis, pour la première fois depuis très longtemps, on a une lecture très claire des forces en présence. Et j'ai quand même trouvé ça très intéressant de voir où en étaient quelles équipes, quels pilotes, et à défaut d'avoir eu du suspense pour la victoire, on a eu voilà, à partir du deuxième jusqu'au dixième, en tout cas un top 10 très intéressant je trouve, et voilà, hâte de débriefer tout ça avec vous et des forces en présence pour la suite de la saison notamment, puisqu'on va aborder la deuxième partie de la saison désormais. Et oui, pour ceux qui viennent nous rejoindre aussi, il reste pas encore chance au week-end et après c'est la pause. Et après, c'est quelque chose comme 10 Grands Prix en 12 semaines à peu près. Donc voilà, vous serez, rassurez-vous, vous nous retrouverez bien assez souvent. Franck est également parmi nous. Comment ça va ? Bonsoir. Bah, écoutez, ça va très bien. C'est vrai que ce n'était pas le Grand Prix du siècle, hein, soyons clairs. Comme le disent Manu et Paul, ça a été au moins assez limpide en termes de déroulé. Bon, moi, je ne suis pas tout à fait d'accord encore avec Paul sur le fait qu'on a une hiérarchie claire parce que ça change quand même pas mal de circuit en circuit. On voit quand même que les écarts sont quand même assez infimes. Ça peut encore bien basculer à Spa. Je pense qu'on n'aura pas la même hiérarchie à Spa. On a fait la mi-saison, ça y est. On n'est pas à la pause, mais on a fait les 11 courses sur 22. Bon, il aurait dû y en avoir 23, donc voilà. Effectivement, longue deuxième partie de saison qui nous attend si malheureusement on reste sur quelque chose comme ça. Mais moi, j'ai vu du positif quand même. Je vois quand même Max Verstappen qui s'est fait... J'espère qu'on va parler un petit peu des qualifs parce qu'il y a quand même eu un format un peu spécial avant d'attaquer la course, mais je vois Max Verstappen qui s'est quand même fait battre en qualif par un Lewis Hamilton. Je vois des écarts quand même qui sont quand même très serrés sur un circuit comme la Hongrie, qui est quand même très technique, qui mêle à la fois de la mécanique et de l'aérodynamique. C'est quand même assez prometteur, je pense, quand même pour la suite, quoi. Mais bon, après, la course, effectivement, était un peu plus, classique par rapport à nos attentes. Ah, il faut pas... ça n'est qu'une heure trente, hein, finalement, ça va. Ce week-end, il y a un sprint. Ce sera deux heures ce week-end, ce sera un peu plus long. Le classement, donc Max Verstappen qui s'impose devant Lando Norris, Sergio Perez, Lewis Hamilton quatrième devant Oscar Piastri et George Russell. Et puis derrière, bah, comme l'avait dit Paul, hein, les Ferrari et les Aston Martin qui sont arrivés dans l'ordre. Voilà. Leclerc, Sainz, Alonso et Stroll qui ont complété le top 10. Et à un moment de la course... où le top 10, c'était 5 équipes qui se suivaient. C'était Verstappen, ouais. Perez, les deux McLaren, les deux Mercedes, les deux Ferrari, les deux Aston. C'était, C'était assez rare de voir ce genre de classement sur cette saison 2023, où on n'arrête pas de vous le dire, évidemment, qu'elle est extraordinairement disputée derrière Red Bull, et derrière Max Verstappen particulièrement. Oui, Manu. Ceci dit, c'est très souvent, depuis le début de saison, qu'on a 5 équipes qui monopolisent les 10 premières places, ou au moins 4 qui monopolisent les 8 premières places. Et en fait, même si la hiérarchie est très évolutive, on voit qu'à chaque fois qu'elle évolue, c'est essentiellement au gré des évolutions que les équipes apportent. Et ça fait toujours ce genre de scénario où finalement on se retrouve avec quand même la moitié du peloton qui domine une autre moitié du peloton. Oui, effectivement, c'est vrai que c'est derrière le top 10, c'est un peu plus compliqué pour les autres. Mais vous verrez quand on fera le récapitulatif un petit peu de tout le monde, c'est resté groupé hein, finalement aussi derrière, derrière ce top 10 en général parmi les différentes équipes. Effectivement, avant d'évoquer chaque pilote, chaque course en tout cas de ce Grand Prix. Ce système de qualif, qu'est-ce qu'on en a pensé? Du coup, on rappelle, la Q1 était obligatoirement faite en pneus durs, la Q2 en pneus médium et la Q3 en pneus tendres, puisque Pirelli a ramené moins de pneus pour tout le monde, une démarche écologique que l'on peut évidemment saluer, ça fait toujours ça de gagner. Qu'est-ce qu'on en a pensé, Franck, qui met déjà son doigt sur son nez? Doigt. Je commence. je vais dire, effectivement, il y a quand même pas mal de pilotes qui nous ont dit qu'heureusement qu'il n'avait plus vendredi matin pour qu'on voit des pilotes en piste, parce que avec cette allocation alternative de pneumatiques, donc avec deux trains de pneus en moins sur le week-end, et avec obligation d'utiliser certains types de pneus en qualification, on y vient après, on a effectivement un problème de roulage en piste, clairement. Il n'y a pas assez de pneus pour que ça puisse tourner en piste le vendredi pour les fans, clairement. Je pense que c'était vraiment eux sur place qui étaient les plus lésés. Bon, il y a eu la météo qui les a un petit peu sauvés là-dessus, mais comme disaient les pilotes, s'il n'y avait pas plu, il n'y aurait quasiment eu personne en piste vendredi matin. Il n'y a pas assez de pneus pour effectivement rouler convenablement. Alors, dans le côté positif des choses, c'est que ça nous a permis d'avoir un Max Verstappen qui n'a pas réussi à régler de manière optimum sa voiture et pour la qualif et pour la course, donc on en parlera après. Moi, en fait, je pense qu'il y a du 50-50 sur ce format qui sera retesté à Monza, rappelons-le. Et à Monza, s'il ne pleut pas, on risque malheureusement d'avoir un vendredi assez limité en termes de roulage. Voilà, c'est le problème, c'est qu'il manque effectivement, comme je pense, au moins un train de pneus pour que ça puisse rouler un peu plus le vendredi. Par contre, l'idée, effectivement, de que tout le monde soit sur le même pneu en qualif, Q1, Q2, Q3, certes, dur, médium et tendre, pourquoi pas? Moi, je trouve que c'était assez intéressant de voir effectivement chaque équipe pouvoir disposer un peu de ses forces aussi. Parce que voilà, on a vu Alfa Romeo qui a testé un peu plus le pneu dur en libre 3 et qui, du coup, s'en est bien sorti pendant les qualifs. Bon, malheureusement pour eux en course, ils sont un peu loupés au départ. Enfin, Zou a un peu pénalisé lui-même et son équipier. Mais voilà, c'est très intéressant parce que ça nous permet effectivement de voir que sur un peloton aussi serré, avec des pneus différents en qualification, on peut avoir des performances très différentes. Des voitures qui réussissent à bien chauffer leurs pneus, d'autres moins bien, d'autres qui se comportent mieux avec des composés plus durs, d'autres avec des composés plus tendres. C'est extrêmement intéressant. Donc je pense qu'il y a une bonne idée à creuser, je pense. Pas tout jeter à la poubelle. Maintenant, effectivement, il manque, je pense, au moins un train de pneus peut-être obligatoire, entre guillemets, à utiliser le vendredi, qui ferait que les pilotes seraient obligés de rouler le vendredi, entre guillemets. Peut-être un train de pneus dur en plus, voilà. Ils sont de dire, voilà, on vous met un train de pneus dur en plus le vendredi matin, uniquement le vendredi matin. Ça, vous pouvez l'essorer comme vous voulez, et puis régler votre voiture, et au moins ça tourne, quoi. Voilà, mais bon, voilà, il y a du 50-50. Est-ce que le souci ne viendrait pas du fait qu'ils doivent aussi ramener des pneus à Pirelli après chaque séance? Oui, il y a ça. Par contre, je ne sais pas si ça avait été adapté sur ce Grand Prix-là. Manu, je ne sais pas si... Ils en ramenaient pas, justement, ouais, pour compenser le fait qu'ils en donnent un à la fin de chaque séance dans les week-ends normaux. Mais c'est vrai que, du coup, ça faisait quand même moins de composés à utiliser, sachant qu'ils avaient de toute façon deux trains de pneus durs, deux trains de pneus médiums et deux trains de pneus tendres qui étaient réservés pour la qualif. Et c'est ça qui fait qu'ils avaient un manque, notamment pour la course après. Ouais, bon alors tu fais dans ces cas-là une Q1 encore plus resserrée où tu les fais en un seul train. Enfin voilà, ils peuvent peut-être Sur les durs, pour moi, ils peuvent faire une qualif en un seul train avec justement ce côté où les pilotes peuvent sortir plus tôt, faire plus de tours, mais risquer d'avoir des pneus un peu plus fatigués au moment où ils auront la piste avec le meilleure condition, ou à l'inverse, tenter de retarder un peu, mais avoir des pneus qui sont peut-être pas dans la meilleure fenêtre au moment où la piste sera. Enfin, pour moi, cette Q1 en pneus durs avec un seul train serait vachement intéressante, peut-être plus qu'avec deux finalement, où là, ça pour moi, ça, on a vu une Q1. Russell a été éliminé, mais pas à cause des pneus, juste à cause du trafic. Et à part ça, les éliminés sont les mêmes que d'habitude, donc j'ai pas eu l'impression que ce qui était la partie la plus. Le plus gros défi de ces qualifs, c'est finalement été la même chose que d'habitude en fait. On a Clément Loubrifiant qui veut dire réduire l'allocation des pneus pour l'écologie, mais faire un calendrier à 24 courses, c'est un exercice de gymnastique mentale qu'a décidé de mener la Formule 1. C'est pas de la gymnastique mentale, c'est juste de l'hypocrisie. Complètement. Oui, oui, c'est clair. C'est de la communication à ce niveau-là. Mais rassurez-vous, on va, en fin de saison, on va aussi sur des grands prix pour les droits de l'homme, donc vous en faites pas. L'écologie s'arrête ou l'échec de 60 millions commence. Hein, c'est aussi ouais, par contre, Pirelli a quand même clarifié quelque chose qui était très important, c'est qu'il y a des pilotes qui ont dit. Oui, on nous passe de 13 trains à 11 trains, mais on sait que Pirelli détruit ses pneus pluie alors qu'ils ne sont pas tournés et tout. C'est faux. Les pneus, les pneus pluie et intermédiaires qui ne sont pas utilisés sur un Grand Prix européen, en tout cas, sont reportés au Grand Prix suivant et ainsi de suite. Après, il y a effectivement des différences de logistique par rapport au Grand Prix extra-européen où les acheminements se font ou par bateau ou par avion. Mais tout, il n'y a aucun pneu pluie non utilisé sur un Grand Prix européen, en tout cas, qui est détruit parce qu'il n'a pas été utilisé. Ça, c'est une grosse bêtise. Voilà. Et une grosse partie des pneus sont aussi recyclés. Sont... Oui, oui, tout à fait. Maintenant, réutilisés après dans les pneus suivants. Mais je vois dans le chat Camille Lubrifiant qui dit on n'a pas besoin de toucher au qualif, c'est précisément ce qui porte la saison. Et c'est vrai, en fait, le format est sympa parce que c'est un défi différent, mais ce n'est pas un truc dont on a vraiment besoin. Au final, ça ne change pas grand-chose. Et après, pour moi, Pirelli a d'autres moyens de faire quelque chose de plus écologique. La F1 aussi, au bout d'un moment, ils ont juste à dire aux équipes, bah, on enlève les couvertures chauffantes, par exemple, ça c'est écologique. Et puis, de dire aux équipes, bah, on met 11 autres trains de pneus, vous démerdez comme vous voulez. Et après, sans forcément qu'ils en rendent, après les essais libres, on aura exactement ce nombre de trains de pneus qu'ils veulent et ils auront ce qu'ils veulent pour faire tout le week-end. Donc, il y a d'autres moyens que de changer le format parce que c'est vrai que finalement, les séances qualificatives sont toujours intéressantes cette année. Exactement, donc à voir effectivement ce qu'ils en feront. YouTube Prime nous dit « Hello, est-ce possible de réduire les pubs sur Next Gen Auto, s'il vous plaît ?» Techniquement, non. Pour l'instant, non. C'est ce qui fait vivre le site, malheureusement. Voilà. Heureusement, vu le contenu qu'on propose. Mais... Je fais juste un aparté, c'est que le problème c'est que de ces publicités, c'est des publicités qu'on appelle en programmatique. C'est que personne n'a la même chose, en fait. Il y a des gens qui ont plus de choses, d'autres des gens qui ont moins de choses, et il y a des formats qui parfois se chevauchent, j'en suis conscient. Mais le problème c'est qu'on ne le maîtrise pas forcément. Cela s'affiche selon effectivement vos consultations internet. Maintenant, grosso modo, il faut expliquer que la publicité n'est plus du tout de l'achat directement chez des marques. C'est vraiment des régies qui gèrent un ensemble, un pool effectivement d'annonceurs. Et selon propres consultations, en fait, vous pouvez très bien avoir effectivement un footer en plus d'une publicité vidéo qui se met sur la droite ou sur la gauche et voir les deux. Et ça dépend vraiment maintenant après de vos calibrations de navigateurs, de vos consultations et tout, et du moment où la pub arrive. Et en fait, c'est quasiment impossible pour nous de cibler, d'y avoir qu'un endroit ou un autre. On essaie de jongler au mieux, mais des fois, c'est pas évident. Voilà. Voilà. En tout cas, on a de moins en moins de plaintes là-dessus. On a de moins en moins de plaintes là-dessus quand même. Je tiens à le dire parce qu'on travaille. Mais en tout cas, moi, je tiens à dire merci à YouTube Prime qui vient de nous faire cette remarque de manière tout à fait courtoise et gentille. Qui est très gentil. Comme quoi ça se fait, et merci. Ça peut arriver. Oui, ouais. Merci beaucoup. Tu vas gagner une casquette, Next Gen Auto. attendez, je vais peut-être des promesses que je ne peux pas tenir. Là. qui n'existe pas. Ah, maintenant, si on vend 1000 casquettes par mois, je vous enlève la pub, il n'y a pas de souci. Hein. Vous savez ce qu'il reste à faire maintenant, le chat. Vous militez, vous faites un Ulule pour faire des casquettes Next Gen Auto, et voilà. Il n'y aura plus de pub nulle part. Mais en tout cas, voilà, on verra. Si ça évoluera, en tout cas rassurez-vous, c'est noté à chaque fois et c'est pas noté comme la FIA, hein. c'est noté ça sera investigué après l'émission, ouais, parce que là c'est à dire que maintenant si on commence à s'occuper des pubs, on va pas vous faire l'émission, ça va devenir compliqué. Alors les pseudos restent extraordinaires. On a Genghis Khan qui nous fait l'honneur d'être là ce soir. Après, c'est vraiment un honneur, ça c'est à l'histoire de le décider. C'est pas une bonne idée de retirer les couvertures chauffantes, je pense. Arrêtez de faire les... Non, mais tant qu'on parle des pneus, c'est vrai qu'effectivement, il y a la décision qui arrivera... Il n'y a pas un conseil mondial, il y a une commission F1 vendredi à Spa-Francorchamps qui se réunit, donc c'est la dernière avant le mois de juillet, et effectivement, je ne sais pas ce qui sera voté, c'est extrêmement délicat de le dire. Pirelli a l'air quand même assez confiant. Maintenant, il est clair qu'on a vu des F1 démarrer à Silverstone sans couverture chauffante de leur garage, ça glisse. Indéniable, mais ça dure un secteur. Voilà. Le seul problème vraiment pertinent qui était soulevé par les équipes sur ces sur ces pneus-là, outre l'aspect entre guillemets sécuritaire de ne pas partir en piste avec des pneus chauds, mais bon, aux pilotes de gérer après tout, hein, ça aussi, ça me permet aussi de mettre. On a des monoplaces qui sont hyper fiables, des pilotes qui sont très très bons. Autant aussi leur mettre un petit peu de banane comme dans Mario Kart en plus. Voilà. Non, le seul problème, c'est qu'effectivement, en termes de stratégie, les undercuts sont beaucoup plus difficiles à réaliser avec ce genre de pneus, puisque effectivement, quelqu'un qui s'arrête un tour avant un autre pilote, si effectivement il se prend un secteur, voire deux secteurs de chauffe, en plus, il n'arrivera pas à surpasser le pilote devant lui, qui du coup réagira dans le tour suivant. C'est un peu le seul paramètre, on va dire, pris très au sérieux par les équipes et par la FIA sur qui pourrait freiner l'arrivée des couvertures chauffantes. L'interdiction des couvertures chauffantes. La bonne nouvelle, c'est qu'avec les arrêts à 9 secondes de Ferrari, les undercuts sont quand même possibles. il était gratiné celui-là. Mais première cartouche est partie. Après, ça sera géré. Après, rien n'empêche, tu peux faire un undercut si tu arrêtes 4 tours avant, par exemple. Enfin, c'est un vrai gap pendant les performances entre les différents composés. Ça peut. Il faut un undercut effectivement de plusieurs tours quoi, pour que ça fonctionne. Quand même. Mais voilà, moi je pense qu'effectivement, comme tout le monde le dit dans le chat, bon, si ça se fait en F2, en Super Formula, en IndyCar, en tout ce que vous voulez, la F1 doit quand même réussir à s'en. Sachant que la F1 a un passage de la puissance au sol qui est quand même plus fluide que ces disciplines-là. Donc normalement, même s'il y a plus de chevaux, ça ne devrait quand même pas être un si gros problème que ça pour les pilotes qui sont encore une fois les 20 meilleurs du monde normalement. Donc, croyez-moi que les couvertures chauffantes et la logistique seraient dans le budget de cap qu'ils auraient déjà décidé oui pour les enlever. Ça aurait fait gagner du gain sur autre chose. C'est ça, à un moment donné, c'est quand même. Mais bon, ça, ce serait effectivement le vote. Alors rassurez-vous, ça, j'aime beaucoup Pirelli, ouais, dans cette très belle situation qui est de dire nous sommes tout à fait confiants, écoutez, nous avons fait le tour des popotes, je suis allé voir les représentants. Enfin, ils vont tous voter oui, vous en faites pas, et puis se retrouver avec 8 votes non. On a eu aucun pilote ces derniers temps qui ont dit que c'était une catastrophe, que c'était dangereux, tout ça. Il y aurait eu vraiment un souci avant la commission F1 de vendredi, on aurait entendu des. Beaucoup de voix, parce que c'est très politique la F1, dans les beaucoup de voix des pilotes, c'est vraiment se prononcer absolument contre pour ça, pour peser dans la balance. On n'a rien eu de tout ça, rien eu du tout. Donc pour moi, je pense que c'est un problème qui se gérera plus effectivement côté politique au niveau de la commission F1, mais pas au niveau de la sécurité. Mais tous ceux qui se sont plaints, ce sont les patrons d'équipe, hein, dans ce que j'ai vu ces derniers mois. C'est des gens qui n'ont, entre guillemets, enfin qui ne mettent plus leurs fesses dans les voitures en tout cas. Ils disent c'est dangereux, c'est ceci, c'est cela, alors que les pilotes n'ont pas l'air particulièrement très embêtés là-dessus. On verra effectivement ce qu'il en sera, mais ça, ce serait une belle avancée pour l'environnement, parce que c'est sur 24 Grands Prix sur la saison, donc tu n'as plus tous ces systèmes de chauffe dans les box. Là, tu feras des vraies économies d'énergie. Bien sûr. On va voir ce que ça va donner. Messieurs, si on commençait à parler du Grand Prix alors que tiens, je crois qu'une Alpine vient d'arriver devant vient de terminer le Grand Prix, semble-t-il. Mais on va commencer en parlant, ah là là, de Red Bull, que c'est rare, c'est vraiment. Sachez que tous les fans de Red Bull qui ont mangé, là vous avez quand même eu plus de temps pour manger. On a parlé d'autres choses avant, on a été gentils. Comme ça, vous n'avez ça pas fait besoin. Plusieurs semaines qu'on essaie de les aider pour qu'ils voient le début de l'émission. J'espère qu'ils le notent. Vous savez qu'à un moment donné, quand on n'aura plus cette capacité hein, de trouver des sujets en amont, l'émission commencera simplement à 21h. On mettra le live à 20h55 et basta, parce qu'à un moment donné, ça devient vraiment, vraiment difficile. Red Bull, donc, la victoire pour Max Verstappen, la troisième place pour Sergio Perez, qui est quand même parti 9e. Mais bon. Il est parti en Q3 déjà, c'est une victoire. Quel exploit hein. Quel exploit de Sergio Perez, 9e en Q3. Est-ce qu'il n'a pas recollé à Nico Hülkenberg du coup dans le classement du nombre de Q3? Eh ben non, parce que Hülkenberg y était aussi, donc il y a toujours une d'avance pour Hülkenberg. Ça fait 6-5 pour Hülkenberg alors, je pense. C'est ça. Et après, on dit qu'on fait nos haters sur Red Bull, les amis. Mais voilà, bravo. C'est juste Perez. Je peux plus vous défendre là. Je suis désolé, c'est ultra frustrant à chaque fois parce que il a été élu pilote du jour. C'est un truc, ça encore, c'est énervant parce que il fait des remontées, il fait des dépassements. Bien sûr, il a encore une fois la meilleure voiture du plateau. On entendait depuis samedi, les écarts se sont resserrés entre Red Bull et les opposants. Max qui gagne avec 35 secondes d'avance sur la meute, enfin, c'est hallucinant, quoi. Donc que Checo Pérez fasse une belle course, il a fait une belle course, on ne va pas lui enlever ça. Il fait des beaux dépassements, c'est une bonne stratégie, mais en théorie, le doublé devrait être facile pour Red Bull sur un week-end comme ça. Ça devrait être première ligne et on ne devrait même pas avoir de débat, quoi. Alors oui, Checo Pérez a mis fin à sa série d'éliminations en Q2, voire en Q1. Enfin, il fait 9e ensuite en Q3. Il y a vraiment pas de quoi sauter au plafond. Il prend quasiment une demi-seconde encore une fois en Q3. Donc en fait l'écart est le même. Sauf que bah, voilà, la Red Bull volait tellement ce week-end que c'était le minimum syndical. Donc, moi personnellement, je veux bien souligner sa belle course. C'est une belle remontée, c'est des beaux dépassements. Mais le minimum syndical n'est toujours pas assuré en fait. Si on regarde ce que vaut réellement la voiture, en tout cas aux mains de Max Verstappen, bah, c'est une première place avec 35 secondes d'avance, donc bah, Pérez devrait au minimum être deuxième. Tu oublies l'essentiel, Paul. Tu oublies quand même qu'il fout la voiture dans le mur dès son premier tour rapide en libre. Ça, c'était vrai. Avec une erreur de débutant, clairement. T'as raison, on aurait dû commencer par ça. Il se plante dans son premier tour rapide en quatrième virage. Voiture évoluée, nouvelle pièce, direct dans le mur. C'est absolument incroyable. Moi, c'est là que j'ai vu effectivement de la. Je ne sais pas si on peut appeler ça de la pression, à ce niveau-là. Oui, c'est de la pression, clairement. Ou alors, c'est de l'inattention, c'est du manque de professionnalisme. C'est absolument incroyable de voir ce genre d'erreur de la part de Sergio Pérez dans une Red Bull, là, sachant qu'il se sait extrêmement bien scruté par Marco et par Horner. Le week-end où Ricciardo débute en plus chez AlphaTauri, on en parlera plus tard. Mais voilà, et en fait. Voilà, il y a tellement rien à dire sur Max Verstappen qui a encore fait un week-end presque sans faute qu'effectivement, on doit souligner que Sergio Pérez a fait un week-end pour moi moyen, en tout cas jusqu'en course. Manu m'en est témoin, je lui ai dit, avec les écarts qu'il y a en ce moment en qualification, Pérez, même s'il rentre en Q3 avec la rouste qui se prend de la part de Verstappen, s'il arrive dans le top 5 et dans le top 6, c'est déjà un miracle. Finalement, il est 9e. Ça veut donc dire que ce n'est pas la Red Bull qui est une super voiture, c'est Verstappen qui est un super pilote. Est-ce que vraiment la Red Bull est la meilleure voiture du plateau? On peut se poser la question maintenant. D'ailleurs, on notera le contre son camp de Marco qui dit oui. Pérez est simplement victime de l'effet Max Verstappen qui soi-disant donc, sublime la voiture. Mais ce qui voudrait dire, si on suit les propos de Marco, que la Red Bull vaut une 9e place en fait et que c'est Verstappen qui l'amène en pole position. Donc c'est vraiment con, mais en même temps, on peut effectivement se demander où se situe la performance. C'est un peu comme la Haas, c'est compliqué parce que en fait, c'est des équipes dans lesquelles il y a toujours une demi-seconde en qualif. Donc du coup, tu ne sais pas si elle est dans son niveau aux mains du pilote qui fait les meilleurs qualifs ou si elle est au milieu. On sait qu'elle est pas, on sait que le deuxième pilote n'est pas au niveau du premier, donc c'est pas la voiture ne vaut pas 5 dixièmes de moins que ce qu'un pilote en fait. C'est pas comme ça que ça fonctionne la F1. Mais c'est vrai qu'il y a un moment où tu te dis, le pilote sublime le truc un peu, et est-ce que la voiture est pile à son niveau ou pile entre les deux ou quoi. Mais dans tous les cas, peut-être qu'effectivement, la Red Bull ne vaut pas factuellement la pole. Enfin, quand on voit les tours que va chercher Verstappen pour faire la pole à Silverstone et celui pour faire la deuxième place en Hongrie, on peut se poser la question de où se situe la Red Bull. Après, je pense, comme le dit notamment Cameron Rubifian dans le chat, en qualif, oui, c'est plus serré. Mais en course, y a pas... enfin, c'est quand même la voiture qui... gestion des pneus. Qui s'est le mieux régulière, le plus régulière. Bon, même si après, Pérez, le prend le mieux aussi. Verstappen, là, pour le coup, la science de la course de Verstappen sur la gestion des pneus, elle est hallucinante. Parce que en fait, dans le dernier relais dimanche, tout le monde crame ses pneus en début de relais. Et lui tient un rythme jusqu'à la fin de course qui est dément. Parce qu'il ne faut pas oublier que quand il ressort des stands, il a 5 ou 6 secondes d'avance, je crois, ou 7 secondes maximum. Oui. Et il finit avec 33 secondes d'avance. Et on parle de quelque chose qui se fait en l'espace de moins de 15 tours. Enfin, y a un tour, le moment où il décide de faire le meilleur tour en course, il met 2 secondes 8 à Norris et 1 seconde 5 à Pérez. C'est stratosphérique. J'aime bien le moment où il décide de faire le meilleur tour parce que c'est quoi pour ça. C'est ça. Oui. Il chauffe les pneus de tour, il met une grosse rouste et après il refait. Et le tour suivant, il recale son tour en 1.23.2, je crois, ou 1.23.4, qui est le temps de Norris derrière lui. Donc en fait, il est exactement sous contrôle absolu de ce qu'il fait. C'est ça, moi, ce qui m'impressionne le plus. Et c'est le cas pour beaucoup de pilotes, mais Verstappen le fait quand même encore mieux que d'autres. C'est on lui dit, tu fais 1.23.2, 1.23.4, il va te faire le temps au dixième près. Il arrive à le. Enfin voilà, alors vous allez me dire que ça semble facile, entre guillemets, mais encore une fois, quand tu dois piloter moins bien qu'au niveau que tu peux atteindre, c'est plus compliqué pour un pilote, paradoxalement. Le pilote qui doit rajouter dans son esprit, tiens, je vais freiner 50 mètres plus tôt ou 40 mètres plus tôt, c'est une contrainte de plus et ça fait que c'est un peu plus compliqué et que tu peux du coup plus facilement perdre ta concentration. Et lui, il arrive à le faire, bah, alors sans aucun problème. Ça nous rappelle aussi cette petite guéguerre avec Perez, c'était Jeddah du coup avec le. Ok, il fait une 33. Oui, mais lui, il fait une 32-4. Oui, mais d'accord, mais toi, fais. Oui, mais d'accord, mais lui, là, bah, c'est la maîtrise qu'avait Sergio Perez à ce moment de la saison et qui, depuis, bon, lui fait complètement défaut. En tout cas, on a la très, très bonne confirmation sur ce Grand Prix-là que la Red Bull est une voiture taillée pour la course, puisque Sergio Perez réussit aussi une remontée presque parfaite. C'est un circuit où il n'est pas extrêmement facile de dépasser. Alors, par contre, ceux qui disent que c'est aussi difficile de passer qu'à Monaco, ça, par contre, il faut qu'ils revoient un peu les courses parce qu'effectivement, on peut dépasser en Hongrie. Il y a absolument pas de. C'est plus compliqué, d'accord, que sur le circuit, mais ça se fait quand on a la voiture qu'il faut pour. Quand Perez réussit à remonter de 9e à 3e assez facilement sans trop galérer non plus, on a clairement, effectivement, une équipe Red Bull qui sait produire une voiture assez rapide pour jouer la pole position, mais pas non plus surclasser ses rivaux dans cet exercice-là. Mais surtout être beaucoup, beaucoup plus rapide sur 20, 25, 30 tours avec les pneus en moyenne. Voilà, parce que on en a parlé dans plusieurs émissions de Grand Prix. C'est effectivement le jeu de la F1 d'aujourd'hui. C'est de la gestion à la fois d'essence, un peu moins, je pense, maintenant. Je pense qu'on n'en parle plus beaucoup de ça. Mais la gestion, effectivement, surtout de pneumatique, quoi, donc du potentiel pneumatique. Et quand vous avez des réglages aérodynamiques et mécaniques qui vous permettent de préserver les gommes plus longtemps que les autres, et du coup attaquer un peu plus, enfin attaquer dans le sens mettre quelques dixièmes en plus par rapport aux autres, vous avez ce résultat-là, effectivement. Et comme le dit Manu, effectivement, sur les deux premiers relais, on avait encore des écarts, entre guillemets, acceptables. Je pense que sur le dernier relais, effectivement, Verstappen, il s'est dit, bon, maintenant, c'est bon. j'ai assez rongé mon frein, je vais peut-être me faire un petit peu plaisir. Et les autres n'ont pas forcément plus attaqué que ça, en voyant que ils n'auraient pas plus non plus. Donc il y a un peu tout dans ce dernier relais qui fait que voilà, est-ce qu'on est vraiment à 33 secondes d'écart si les autres avaient pu s'attaquer ou mieux attaquer, la question reste posée. Maintenant, la Red Bull en position de course, elle est parfaite. Et Verstappen est parfait. Voilà. À noter l'excellent dernier relais de Hamilton aussi, qui fait un relais très très rapide. Bah, le seul très bon, en fait. Son seul très ouais, bon relais, c'est ça. Lui, pour le coup, la voiture est devenue vraiment très, très, très, très forte dans le dernier relais. Et c'est vrai qu'il reprend beaucoup de temps. Et c'est le seul, finalement, qui donne une impression de facilité comme Verstappen, mais pas en ayant eu un début de course aussi facile. Donc, en fait, on voit que les voitures, concrètement, ça rejoint ce que tu dis juste à l'instant, c'est que toutes les voitures ont leur phase de course où elles sont bonnes. La McLaren était très bonne en début de course. Elle perd au milieu du premier relais. La Mercedes, elle est très bonne en fin de course et tout. Et la Red Bull, elle est bonne tout le temps. Donc, c'est vraiment, il n'y a pas un point faible. Que ce soit avec beaucoup de carburant, peu de carburant, avec des pneus fatigués, avec des pneus neufs, que ce soit avec, avec du dirty air ou pas, elle est toujours là. En fait, c'est une voiture qui est ultra saine. Et quoi qu'il arrive, il n'y a pas de problème à la faire fonctionner sur chaque condition, sur chaque circuit, avec chaque météo. Et c'est ce qui fait qu'on en est à 12 victoires de suite et 11 cette année, en tout cas, de 11 courses. Oui, parce que quand même, record du monde. Pardon Paul, mais c'est jamais une équipe de Formule 1 avait remporté 12 courses d'affilée, enfin 12 Grands Prix d'affilée en tout cas. Ouais. Et record égalé de McLaren en 88 avec 11 saisons pour 11 victoires pardon, pour débuter une saison. Et Jean-Louis Schlesser n'est pas là ce week-end. Voilà. Donc peut-être une douzaine. Alors là, si vous avez la ref, félicitations, vous êtes vieux. Hein, bien sûr, ça je... Je pense navré, mais pour ceux qui ne l'ont pas, c'est Jean-Louis Schlesser qui accroche Ayrton Senna à Monza. Et qui... Paul et Max... Oui, je voulais juste parler du départ de Max, parce qu'on ne l'a pas mentionné. Il se rend encore une fois aussi la course facile, parce que Max Verstappen a cette capacité à être brillant dans tous les moments clés. Là, en l'occurrence, il fallait absolument qu'il réussisse son départ. Bon, en tant que spectateur neutre, nous, ce qu'on redoutait, c'est justement qu'il passe Hamilton dès le départ. On aurait peut-être eu, alors je ne dis pas tout un Grand Prix, mais du moins un premier relais peut-être un peu plus intéressant si Verstappen n'avait pas été en tête après le premier tour. Mais il fait un départ magnifique, aussi parce qu'Hamilton fait un départ moyen, il faut le dire. Mais voilà. Il se rend les choses faciles et c'est vrai que voilà, on aurait pu espérer qu'il soit deuxième ou troisième à la fin du premier tour, mais encore une fois, parce que dans ces moments-là, il est imbattable, il ne laisse rien à personne, parce que même s'il est troisième à la fin du premier tour, je pense qu'il gagne avec 15-20 secondes d'avance, hein, c'est-à-dire qu'après le premier relais, quitte à ce que ce soit difficile de dépasser, moi je pense qu'il aurait eu le rythme pour dépasser en piste, il aurait dans le pire des cas, grâce à la gestion des pneus dont on a parlé et grâce à un rythme supérieur, réussi soit un undercut, soit même un overcut, tellement il avait de rythme sur ses concurrents. Mais il faut le mentionner, si sa course est encore une fois aussi magistrale, c'est parce qu'au départ il fait exactement ce qu'il faut, il ne rate rien, son équipe ne rate pas un arrêt au stand, il ne rate pas une stratégie, donc dans ce contexte-là, bah, ça va être difficile de le battre cette année. Hein. Paul, je tiens même quand même à dire que le spectateur neutre attendait surtout qu'il se percute. Le spectateur neutre et le fan de McLaren, puisqu'il y avait deux McLaren derrière. Oui, bah, oui, forcément. Bah, Piastri a failli réaliser un sacré coup en prenant. Il fait un départ très amoureux. On va y revenir après, mais il fait un départ très intelligent. Oui, en plus, Hamilton, quand il est dans ce mode défense, du coup, on connaît ce premier virage en Hongrie qui permet tellement de trajectoires différentes, en fait. Mmh. Et au départ, du coup, c'est extrêmement passionnant parce que si vous êtes dans l'attaque, vous pouvez avoir une trajectoire. Si vous êtes dans la défense, ben, vous pouvez vous défendre sur une voiture, mais pas sur d'autres. Donc, vous faites déborder à gauche ou à droite. Et en fait, Hamilton s'est retrouvé dans cette position-là où il a essayé de protéger sa position face à Verstappen. Sauf que, du coup, il s'est fait déporter par les McLaren derrière. Et il ne faut pas essayer de courir deux lièvres à la fois, en fait, sur ce... Ça, moi, j'adore ce premier virage en Hongrie parce qu'il est tellement bien dessiné, je trouve, pour un départ. À chaque fois, je trouve facile. C'est un des meilleurs départs, je trouve, de l'année, en fait. Ouais. Bah avec toute la descente jusqu'au deuxième, en fait, qui est ultra compétitive derrière, c'est vraiment super cool. Ouais. Mais on voit quand même Verstappen. J'essaie de trouver les mots pour le dire de manière que les gens comprennent que ce n'est pas un reproche. Mais c'est vrai que tu vois quand même, il y a un truc différent quand c'est Hamilton. Moi, je suis navré, mais il rate complètement la corde. Hein. Alors après, il part du côté sale, tout ce que vous voulez, mais il rate la corde, tu sens qu'il est à côté d'Hamilton. Il voulait vraiment le dépasser. Alors, est-ce que c'est uniquement parce que c'est Hamilton? Est-ce que c'est parce qu'il voulait tout primer pour les tours? Mais il ne l'a pas mis hors piste, ou il ne l'a pas poussé pour une fois, il n'a pas été jusqu'à le pousser jusqu'au milieu de la piste. Mais je le sentais bien. Hein. C'était limite, mais c'était correct, franchement. C'est ça. Oui. Ouais. Parce que si Max avait fait la même chose à Hamilton qu'il avait fait à Perez en Autriche, je pense que Piastri était en tête de la course, franchement, parce que Piastri est vraiment sur une meilleure trajectoire et Verstappen reste très bien en piste et ça lui permet d'avoir une très bonne accélération à la sortie du premier virage. Donc je suis d'accord, pour du Verstappen, il est resté très très propre. Je ne suis pas persuadé qu'il aurait fait différemment si c'était Leclerc ou Perez à côté de lui. Oui. Sur le coup, je pense qu'il a compris assez tôt en plus qu'il était de toute façon bien mieux positionné à l'amorce du premier virage. Donc, il n'a pas besoin de forcer. Il était de toute façon bien positionné. C'était relativement propre. Pour moi, il n'y a pas grand-chose à dire. Ouais. Ce qui est dommage, on peut regretter que Hamilton ne prenne pas un excellent départ comme il avait pris en Autriche lors du sprint, par exemple. Parce que là, clairement, si Verstappen est en position d'attaquer sans être sale, parce que on sait que des fois, Verstappen attaque de trop loin et puis advienne que pourra. Là, ce n'était pas le cas. Il est déjà en position d'attaquer au premier virage. Il le fait. Il pousse Hamilton à l'extérieur de la piste, mais c'est à l'extérieur de la piste. C'est pas. C'est encore. Sur l'extérieur de la. Enfin, du circuit. Sur l'extérieur, pas à l'extérieur. Mais du coup, c'est propre. Ouais. Alors, je suis d'accord. Hamilton peut rien faire sur Verstappen. Donc, il n'y a rien. À moins de faire une manœuvre désespérée, de toute façon, il est battu. Je le trouve, par contre, je ne vais pas trop anticiper sur Mercedes, mais je le trouve un peu tendre sur Norris, par contre, au troisième virage. Il y avait peut-être moyen de garder sa troisième place, qui aurait pourquoi pas changé sa course aussi. Hein, alors, je pense qu'on est allé un peu tendre encore Hamilton. C'est un pilote remarquablement intelligent et il a construit sa légende sur le fait que il fait peu d'erreurs et il évite les accidents. Et là, pour le coup, je trouve que sur un premier tour, il pourrait être un tout petit peu plus agressif pour garder un peu mieux ses positions. Je crois que la manière dont il ressort, en fait, les pneus sont pas idéaux au niveau fonctionnement. Et en fait, il est tellement désavantagé en motricité du virage 1 que derrière, il se fait avaler au virage 2. En fait. Mais je pense qu'effectivement, il a surtout voulu assurer de sortir en un seul morceau de ce virage-là avec les deux McLaren qui étaient autour de lui et qui, elles, étaient prêtes à beaucoup, je pense. Oui. On parlera aussi dans leur portion, messieurs. En tout cas, bravo à Red Bull qui aussi a réalisé l'aérostand le plus rapide de l'année, 1:98 pour Sergio Perez. C'est fou ça. 1:98, c'est ça le temps final validé? 1:98. Donc c'est presque un dixième de nœud, c'était 2:07, je crois, le précédent. Oui, c'est ça. Ça fait presque un dixième de nœud. Il y a eu 2:02 chez McLaren sur ce Grand Prix. Ouais. Donc, je ne sais pas ce qu'il y avait dans l'air de la Hongrie. Mais... La F1 a sorti des stats intéressantes, c'est que. Donc c'est le premier arrêt sous les 2 secondes depuis les roues de 18 pouces. Mmh. Au total, il y a eu 22 arrêts en dessous de 2 secondes de la part de Red Bull. Il y en a eu 3 de la part de Williams. 1 de la part de Ferrari et de McLaren et 0 de la part des autres équipes. Donc on voit vraiment que Red Bull a toujours eu un avantage là-dessus et en fait ils sont toujours dans les 2 secondes. Et là, c'est vrai que McLaren est toujours dans les tops aussi des équipes qui font les meilleurs arrêts et enfin encore une fois, on tapera sur Ferrari un peu plus tard, mais 9 secondes 4 pour Leclerc, c'est inadmissible. Oh, tu fais mieux avec ta voiture, toi? C'est vrai. Mais moi, on n'est pas 14 à le faire. Moi, je suis tout seul. Donc. Moi, j'allais rajouter à ta stat. Et Ferrari, 10 arrêts sous les 6 secondes. Donc, c'est bien déjà. C'est un début, là. On fait ce qu'on peut. Est-ce qu'on peut, est-ce qu'on va? En tout cas, bravo à Red Bull qui a vraiment fait. Ah, Jérémy dans le chat nous dit qu'il y a déjà eu un arrêt sur les 2 secondes avec les 18 pouces l'an dernier. Et c'est McLaren en plus à Zandvoort, Manu. Oh! Ah oui! Ah bah oui! Ah, il a, ah oui! Ah, dès que ça se bat pour la 12e place, forcément, on ouais, a eu des trucs. Ouais, le Grand Prix des Pays-Bas McLaren, j'avais un peu oublié, mais effectivement, maintenant qu'il en parle. Ouais. Alors qu'il y avait un monde dans les tribunes pour McLaren. Oui, les Miguel Orange et tout, c'était incroyable. Incroyable, je n'ai jamais vu ça. Si, en Autriche. Jamais compris pourquoi en Autriche et aux Pays-Bas ils sont fans de McLaren d'ailleurs, mais bon. Ouais, c'est leur. Moi, j'avais compris pourquoi on était fans de McLaren, mais bon. Oui, non, mais... nous, c'est par obligation, visiblement. Ah, oh, bah ça y est. Ah, oh, il pousse sa caméra, il boude. Avec ses manus. Ça y est, voilà. Ça commence à être très bien. McLaren, du coup. C'est-à-dire, je fais comme Nico Rosberg quand on l'appelle Britney, parce qu'il s'est fait appeler Britney par une présentatrice ce week-end. Il y avait des gamins qui présentaient, il s'est fait appeler Britney par la présentatrice, il a été vexé, il lui a demandé de s'excuser en direct. Donc. Ah, attends, parce que j'ai coupé le bandeau McLaren, parce qu'il y a eu l'image de l'année que vous n'avez peut-être pas vu passer, mais justement, Manu, tu fais bien de le dire, donc il y avait une diffusion en Angleterre pour les enfants avec des avatars 3D, des pilotes, machin, enfin vraiment plein de petites choses qui étaient faites pour. Vraiment présenter la Formule 1 aux enfants et des enfants étaient justement là pour faire des reportages. Ils ont fait ce qui pour moi est la meilleure chose de l'histoire de la Formule 1. Un des enfants a interviewé Yuki Tsunoda et il était plus grand que Yuki Tsunoda. Il y a une image d'un gosse de 12 ans qui est plus grand que Tsunoda. Moi, ça m'a fait mon année. Elle est exceptionnelle celle-là. Et après, on va dire que c'est nous qui faisons la vanne tout le temps. Alors que là, et puis bon, Danica Patrick aussi a parlé de Formule 1 avec des enfants, ça c'était... Non mais c'est parfait pour Yuki, sa taille elle est parfaite pour une F1, pour le sport automobile c'est génial d'être petit. Ouais, ah, c'est clair. Hein. Mais il aurait dû faire du MotoGP, moi je suis désolé, en MotoGP il leur mettrait des roustes en ligne droite ou... Ne... Ou de l'équitation. Ou de les... Voilà, ou de les... oui, il gagnerait le prix d'Amérique, à défaut de gagner le prix. C'est vrai qu'on plaisante et tout, mais pour un pilote de F1 c'est vachement bien parce que le casque est le plus bas possible dans le cockpit, le poids est le plus limité possible, donc c'est très intéressant. De mémoire, Takuma Sato, c'était 1m60, hein, donc c'était pareil, quelque chose de similaire. Je suis pas le premier. Encore un japonais ? Coïncidence ? Je rappelle que Takuma Sato fait quasiment la taille du trophée de l'Indy 500. Il fait que 1 cm de plus que le trophée qu'il a gagné, donc c'est tout à fait bizarre. Je vous ai mis le lien vers l'image. Elle est incroyable. Chats, l'image est absolument exceptionnelle parce que c'est absolument merveilleux. Mais du coup, McLaren qui termine donc avec la 2e place de Lando Norris, la 5e d'Oscar Piastri. C'est dommage, j'ai encore cru à son premier podium à Oscar Piastri, mais le dernier relais était un peu plus compliqué pour le pilote australien. Mais bon, ça fait encore une super performance, son 5e du championnat. C'est-à-dire que maintenant, à ce rythme-là, ils vont absolument se garantir la 5e place et ils vont aller chercher Ferrari, ça continue. Ils peuvent aller chercher Ferrari au moins. Mercedes, ça va être compliqué. Aston, j'y crois moyen, parce qu'il y a quand même Alonso qui sera là pour chercher les points et tout. Mais Ferrari, si ça continue à être un peu limite par moment et tout, ils peuvent y aller avec les points qu'ils ont marqués. Bon, après, il faut que ça continue comme ça. Piastri, effectivement, pour moi, on a vu ses limites, c'est-à-dire le manque d'expérience. En fait, il crame ses pneus dans le dernier relais assez vite. Mais bon, c'est pas grave. Hein. Il a que, enfin, encore une fois, sa première saison. Oui, Franck. Il y a comme une explication, c'est qu'il avait des dommages à son plancher, ce qu'on a su après, effectivement. Ah. Donc, ce qui a fait déséquilibrer sa voiture et pas aider non plus à avoir un bon rythme. Voilà, c'est vrai. Je laisse l'expert McLaren maintenant dérouler sa litanie. C'est vrai que la manœuvre de Pérez a été un peu musclée. Bon, on ne va pas trop revenir dessus. Mais effectivement, après McLaren, là où moi, personnellement, je les attendais 4e ou 5e force du plateau ce week-end, parce que sur un circuit qui n'était quand même pas... idéal pour eux, ils ont été encore la 2e force du plateau. Comme ils l'ont très justement dit, par contre, ça reste un circuit pas si lent que ça. Il n'y a pas beaucoup de virages très lents, et ça ne veut pas dire qu'ils ont résolu leur problème, mais en tout cas, ça veut dire que la voiture est maintenant très bonne sur les virages moyens, ce qui n'était pas le cas avant, enfin en tout cas à moyenne vitesse. Et puis effectivement, après, ça a été de nouveau une très bonne qualif avec les deux dans le top 4, et de nouveau un podium. Donc c'est la première fois que Norris enchaîne deux podiums dans sa carrière, ce qui est quand même pas anodin, et surtout ce qui est pas du tout, enfin ce qu'on attendait pas du tout en début de saison. Je comprends ta prudence en tant que fan, Manu. Enfin, moi, je vais être un peu plus optimiste que toi. Moi, je trouve que McLaren, là, ils ont prouvé. Autriche, Silverstone et maintenant la Hongrie. On parle de trois tracés très différents. À chaque fois, ils sont là. Il y a tout pour penser que cette voiture, elle peut fonctionner sur tous les circuits restants, en fait. Vas-y. On verra sur les circuits sur Singapour, qui pour le coup sont vraiment des circuits avec des virages très lents, mais sur la plupart des circuits, ça devrait le faire. Moi, je suis optimiste pour eux, sachant que des adversaires, style Ferrari, Aston Martin, ont peut-être vraiment intérêt maintenant à se concentrer sur 2024 et à ne plus forcément produire des énormes évolutions pour cette année. Donc pour moi, McLaren, c'était le moment de confirmer, ils l'ont fait. Deuxième force, comme tu l'as dit. J'hésite encore à savoir si c'était la deuxième force ou si c'était Mercedes. En course, c'était un peu. Je pense que Norris fait vraiment un énorme Grand Prix. Vraiment, enfin, on le savait hein, depuis 2-3 ans que Norris était vraiment un top pilote dans le top 5 de la grille. Pour moi, il n'y a aucun doute là-dessus. Là, il fait un énorme Grand Prix. Je pense simplement que Norris fait un meilleur Grand Prix que Hamilton, mais je ne suis pas sûr que la McLaren soit supérieure à la Mercedes. J'ai plutôt tendance à penser l'inverse. Je crois juste que Norris est en feu, que l'équipe est en feu. Et voilà, pour évoquer Piastri, alors moi ma réaction sur le live, comme je disais à Franck et à Manu, je trouvais ça très très dur de la part de McLaren de lancer un undercut de Norris sur Piastri, parce que Piastri méritait d'être deuxième. Maintenant que j'ai dit ça, la deuxième partie de la course a entièrement donné raison à McLaren. Norris était largement plus rapide. C'est leur numéro 1, et je pense qu'ils ont eu largement raison de le favoriser. Et il faut souligner Piastri, c'est quand même incroyable, après 11 Grands Prix, le niveau qu'a ce garçon. Il ne faut pas banaliser ça. Norris, c'est vraiment un cador hein, de ce sport. Oui. C'est incontestablement un des meilleurs de la grille. Et de voir Piastri, troisième à Silverstone, juste derrière Norris en qualif, et là, encore une fois, quatrième, juste derrière Norris en qualif en Hongrie, c'est énorme ce qu'il est en train de faire. Avec, tu me corrigeras Manu si je me trompe, mais à chaque Grand Prix, une monoplace un tout petit peu moins évoluée en plus que celle de Norris. Je crois que c'était encore le cas en Hongrie d'ailleurs. Non, en Hongrie justement, ils devaient amener la dernière partie du package. Finalement, c'est juste Piastri qui a eu l'aileron avant qu'avait Norris à Silverstone. Et ils doivent par contre, du coup, ce qui était de prévu en Hongrie, ils l'amèneront à Spa. Donc là, il y a énormément d'attentes envers Spa, parce que non seulement ils auront la fin du package qui correspond à peu près à 25% des évolutions globales qu'il y a eu depuis l'Autriche, donc c'était 50, 25, 25, et surtout, maintenant qu'on sait que la voiture est bonne dans les virages médiums, c'est exactement ce qui compose le deuxième secteur de Spa, et moi qui m'inquiétais pour eux. Et en fait, à Spa, non seulement on a vu à Silverstone qu'ils ont une vitesse de pointe qui est vraiment monstrueuse maintenant, les virages rapides, c'est ce que la voiture préfère, et les virages médiums ne lui posent pas de problème. Et en fait, à Spa, une fois que tu sors du premier virage, donc en gros, je pense que ce qui inquiète McLaren, c'est le dernier virage, la dernière chicane et l'épingle. Mais à part ces deux virages-là, le reste, c'est taillé pour la voiture. Donc quand on sait que Norris était très à l'aise à Spa ces dernières années, notamment en 2021, où il est en bataille pour la pole avant son crash, on peut raisonnablement espérer que McLaren fasse encore de nouveau la course au podium. Pour moi, la course à la victoire, elle n'est pas encore là, parce que de toute façon, Verstappen est, sauf problème, est intouchable. En revanche, c'est vrai que voir McLaren se battre de nouveau pour la première ligne et pour le podium à Spa, ça me paraît largement plausible. Et je te rejoins sur Piastri, il ne faut pas sous-estimer ce qu'il est en train de faire, parce qu'ils ont passé un début de saison compliqué, mais c'est énorme. Il s'est mis directement dans le rythme de Norris, que n'a jamais su faire Ricciardo, on parlerait même de Ricciardo, et d'un Norris qui est probablement dans le top 3 ou 4 des pilotes aujourd'hui, il y a les 5 on va dire au maximum, donc dès sa première saison, c'est-à-dire que Norris c'est sa cinquième, lui c'est sa première saison, et en fait on voit qu'il est au niveau qu'on attendait de lui. En fait. Enfin, encore une fois, les gens ont un petit peu oublié son parcours junior, mais champion F3 en tant que rookie, champion F2 en tant que rookie, ça veut tout dire. Et j'ajouterais qu'il y a toujours le petit débat, genre oh, bah, il a bien fait d'aller chez McLaren plutôt qu'Alpine. Il a surtout choisi la seule équipe qui lui avait donné un contrat, et en l'occurrence moi je trouve que c'est McLaren qui a bien fait de lui donner un contrat, puisqu'ils ont décroché la palme avec un très très bon pilote. Et sauf grosse frustration de la part de Norris ou relation houleuse, pour moi ils ont un duo de pilotes qui peut durer 5 à 10 ans sans problème. Il ne faut pas oublier qu'ils ont 24 et 22 ans. Donc, c'est-à-dire que c'est le duo le plus jeune de la grille, en fait. Donc, c'est vraiment impressionnant. Oui, c'est ce que je voulais aussi mentionner ça. C'est que pour le futur de McLaren, alors, il y a encore quelques Grands Prix, on parlait de Norris dans une autre équipe. Aujourd'hui, peut-être que McLaren est en train de faire ce qu'il fait aussi pour convaincre Norris de finalement honorer son contrat. Et Piastri, la mentalité est exemplaire parce que, alors certes, il est débutant et il a pas encore intérêt à faire des vagues, il n'est pas encore dans cette stature ni dans cette position, mais il fait le jeu de l'équipe à la perfection sur chaque course. Il ne critique pas le fait que son équipe favorise Norris par rapport aux évolutions sur les courses précédentes, ce qui est encore une fois normal, mais il pourrait aussi dire quelque chose. Non, il ne dit rien, il est performant en piste et il amène les résultats. Enfin là, faire cinquième ce dimanche, finalement c'est plus frustrant pour lui d'avoir raté le podium à Silverstone qu'en Hongrie, parce qu'à Silverstone je pense que la troisième place c'est pour lui sans la voiture de sécurité. Là, effectivement, sa fin de course est plus compliquée, mais comme l'a rappelé Franck, il avait une monoplace visiblement endommagée. Donc, c'est vraiment, enfin, qu'on souligne à quel point ce garçon fait un travail extraordinaire, parce qu'encore une fois, il est associé à un des tout meilleurs pilotes de la grille, qui est chez lui depuis 5 ans. Donc, ce que fait Piastri, c'est absolument pas à minimiser cette année. C'est énorme. Pour ça que vous dites bonjour, je viens d'arriver. J'espère que vous n'avez pas encore parlé d'Alpine. Oh, bah, c'est dans. Aucun risque. C'est dans une bonne heure, hein, t'en fais pas. Tu peux aller faire un café, te faire une pause repas, n'hésite pas, on revient dans une heure. Va te faire un petit 10 km, enfin, vraiment. Fais-toi plaisir, il n'y a pas de souci là-dessus. Nutelica qui nous dit justement à Singapour, ce serait votre panade. On leur a promis une autre panade en Hongrie et ils font podium. Donc, franchement. Que Singapour, il y a une grosse partie du secteur lent qui a été effacée et remplacée par une ligne droite. Donc, c'est ça, donc franchement, ça peut être. Ouais, c'est toujours relatif, c'est-à-dire qu'ils progressent mieux que les autres équipes, donc si les autres ne progressent pas d'ici là, il n'y a aucune raison de penser que McLaren ne sera pas encore dans les 3 meilleures équipes de la grille. Bon, ouais, bon, pour ne pas en rajouter trop non plus sur McLaren, parce qu'on en a bien parlé, oui, bon, parfait Norris, parfait Piastri, il n'y a pas de souci là-dessus. Comme le disait Manu avec des nouveaux termes, virage médium, donc maintenant on va voir aussi effectivement ce que ça va donner, les virages tendres et les virages durs. Parce que il a inventé un nouveau terme que je ne connaissais pas encore, mais les medium speed, voilà. Mais non, c'est la McLaren fonctionne très bien. Et j'ai envie, moi, quand même, de le petit point d'interrogation dont je parlais avec Manu, c'est qu'effectivement, dès le lancement de cette McLaren M1660, produit donc de James Key, on nous parlait quand même déjà d'évolution très sérieuse de version B à arriver. Et si c'est, on n'a pas vraiment non plus le background derrière, mais si c'est un peu le produit de l'imagination de James Key qui est sorti là, et que c'est James Key qui a été congédié et qui est maintenant du coup reparti du côté de chez Sauber Alfa Romeo pour Audi du coup pour la suite, peut-être que c'est une bêtise d'être séparé de ce directeur technique là. Moi, c'est un peu le seul point là, qui me restera du coup en point d'interrogation sur qui a vraiment fait ces évolutions. Par qui elles ont été initiées, ou en tout cas le concept, voilà, comment cette correction est apparue au sein du département conception de McLaren. Est-ce que c'est James Key qui l'a impulsé? Est-ce que c'est Peter Prodromou? Voilà, ça, on n'aura pas forcément la réponse, mais voilà, c'est peut-être la petite question pour le futur, hein, je vois déjà à plus long terme. Là. J'ai tendance à penser qu'ils avaient un plan d'évolution qui était, on en parlait l'autre jour, mais pour moi, en fait, James Key est annoncé partant mi-mars, ça fait 4 mois, et je pense que le plan de développement de la voiture était en place, notamment le plan sur quand ça arriverait et tout ça, mais il ne faut pas oublier que normalement, ces évolutions devaient arriver en Espagne, et qu'elles arrivent finalement beaucoup plus tard. Donc je pense que s'il y a eu un retard de prix, ça a aussi été parce que Prodromou est arrivé et a voulu refaire le truc. Mais n'oublie pas que ce concept-là qui marche mieux a été trouvé pendant l'hiver. Oui, et c'est quelque chose qui n'a pas pu être mis en place pour le lancement, donc... Et là, c'est clairement du côté donc de James Key que c'est quand même arrivé. Donc voilà, c'est pour moi le petit point d'interrogation sur la suite. Quoi. Voilà. On verra effectivement. Alors par contre, il y a quand même eu un gros souci chez McLaren dans ce Grand Prix, c'est Lando Norris sur le podium. J'entends des kids moi derrière. Mais t'inquiète pas. Normalement, les gens sur le chat ne l'entendent pas car il y a un superbe truc qui permet de couper le bruit. Mais par contre, oui, ils sont en train de. Tu viens parfois, bon, ça, mais on ferme leur gueule. On va fermer. Vous avez fait taire des enfants, c'est complètement fou. Mais quand même, il a cassé le trophée de Max. Oui. Et il dit que c'est de la faute de Max. Mais là, moi, j'ai quand même un problème. On va dire que ce soir, je trouve des saloperies pour tout le monde. Mais je trouve que sa réaction, j'avais vraiment envie de lui coller des baffes. Oui. Parce qu'il pète un trophée en porcelaine qui coûte 40 000 balles et il sent bat les steaks complètement. C'est ça. Il en a rien à foutre, il est limite content. Mais... Bah, je pense que c'était un rire un peu embarrassé, un peu amusé quand même. Après. Ouais, mais sur le point, c'est vrai, il tape ça, il bébue. Il s'en rend compte, il saute par-dessus. Hop, voilà. Alors, il n'avait pas fait une minute de silence en même temps. Il est sur le poignet, quand même. Ouais, c'est vrai, j'ai fait. Ça, il l'a fait, par contre. Ah, il était un truc. Oui, parce que justement, Verstappen vient et lui met la main sur l'épaule en mode « Bon, qu'est-ce que t'as fait ?» Et du coup, il est comme ça, en mode « J'ai pété le trophée. » Donc non, après, j'imagine qu'au pire, il le paye lui-même. Hein, mais c'est un énorme coup de pub pour voilà, on en a parlé même encore ce matin sur NextGen. Ils vont remplacer le trophée, ils vont le refaire identique. Donc c'est un énorme coup de pub pour la fabrique de porcelaine qui a fait ça en Hongrie. Donc pour eux, limite, c'est du pain béni. Certes, c'est 40 000 euros foutu à la poubelle, ça fait un peu mal au cœur pour la personne qui l'a fait, mais pour le fabricant, c'est tout bénef derrière. Mitram nous dit « Mon rêve, c'est que Verstappen casse le trophée de la première victoire de Norris. Rallye 50, t'as raison, pour une fois qu'il faut un beau trophée, c'est encore il avait pété une étoile à Inkane ou un truc Santander. Là, oh fou, bah Verstappen aurait dit bravo. Hein, il aurait pas été déçu. On a dit j'avais déjà 35, mais comme ça. Donc... Ils auraient jamais pété ces trophées-là, c'est ça le problème. Ah, oui, c'est vrai que les plastiques recyclés en plus des fois. Bon, je sais pas. Mais c'était. Par contre, ce qui est très bien, là, on l'a peut-être pas vu du coup, mais. En fait, quelqu'un a mis une image encore un peu isolée où t'as Hamilton qui essaye de ouvrir le champagne comme Norris. Et c'est assez énervant parce qu'il devrait le faire. Bon, imaginez que c'est une bouteille de champagne. Ah bah non, ça ne marche pas. Ah oui, si t'appuies pas comme un gros taré, ça ne marche pas. Je crois que le week-end précédent en ELMS, Louis de Lettra s'est ouvert le front en faisant ça aussi. Mais oui, mais il a tapé une fois, et en fait, la deuxième fois il a tapé, c'était avec un angle un peu vers lui, et le bouchon a tapé dans son front, et ça lui a ouvert le front. Mais ça, c'est un truc où. Alors là, en F1, ça va parce qu'il n'y a pas de bouchon. Mais le jour où Norris va avoir la bouteille qui va lui exploser dans la main parce qu'il sera trompé, il va faire comme. C'était Ricciardo, je crois, qui s'est découpé la main. Sur un podium il n'y a pas si longtemps. Mansell l'a fait aussi. A priori. Oui, enfin Mansell il s'est cogné le crâne. Mansell a tout fait aussi. Mansell il s'est ouvert avec un trophée quand même. je saigne. Vous savez que c'est arrivé dans un autre sport l'année dernière, le cyclisme autour d'Italie. Il y a Guirmay, le coureur d'Érythrée, qui en fêtant sa victoire, qui était tout content, il s'est envoyé le bouchon dans l'œil et il a abandonné le Tour d'Italie comme ça. Donc si ça arrive à un cycliste, ça peut arriver à un pilote de F1. Et l'année dernière, je crois que c'est en voiture de tourisme quelque part en Amérique du Sud. Plus en Argentine ou au Brésil, un gars qui n'arrivait pas à ouvrir sa bouteille de champagne, il a foutu le bouchon dans la bouche en essayant de tirer. Vous imaginez où a fini le bouchon. Oh. Il est rentré là, il est ressorti là, le bouchon. Il a fini aux urgences. Voilà. Ils sont un peu cons des fois quand même. Voilà. Ce qui peut, ils sont un peu déshydratés après une course. Voilà, on peut... Ce qui va être drôle, c'est le jour où McLaren va appeler Nick De Vries en urgence parce que Norris, ce sera... Il met un œil sur le podium et que De Vries fasse son retour. Il va faire podium, ils lui mettront un volant chez Williams parce que il a fait un bon grand prix. Ricciardo, il risquait pas d'intoxication alimentaire chaque fois qu'il buvait du champagne dans sa chaussure. Ouais. Ça aussi, c'est dangereux. Ça, c'était toujours assez dangereux aussi. C'est un gros sur YouTube qui dit Ricciardo qui s'est coupé la main sur le podium il n'y a pas si longtemps. Oui, non, effectivement, si c'était lui, c'était forcément longtemps. Mais je crois que c'est arrivé, il y a un pilote qui s'est. Un peu ouvert parce que la bouteille est un peu pétée. Quoi. Enfin, je sais plus trop ce qu'il en était. Il est dit tu gagnes et tu repars avec un cocard. Ce qui fonctionne toujours bien en vélo, puisque en vélo, tu peux gagner avec un cocard. Brian Cocard, il faut avoir les refs, là, quand même. Il faut avoir suivi le Tour de France, les enfants. Hein, à un moment donné. Troisième du maillot vert. Voilà, à un moment donné, il faut avoir suivi. Maillot vert dégueulasse, d'ailleurs. Hein, mais ça, ce sera pour le Racing Café, car maintenant, le vélo est devenu un sport mécanique et un sport moteur, bien sûr. On parle en fait des moteurs dans les vélos. Depuis mardi dernier, il y a des doutes. Oui, hein. Quelqu'un m'a envoyé un jour un message en disant c'est bon, Michael, tu peux commenter du vélo maintenant, c'est un sport moteur. j'étais refait. Mercedes, 4e place donc pour Lewis Hamilton depuis la pole position. 6e place pour George Russell depuis la 18e place. C'était des fortunes diverses, mais finalement, ça s'est très bien terminé pour les deux. Est-ce que Russell n'aurait pas pu être. Pilote du jour, mais ça. Bon, après, heureusement que ça ne donne pas des points en championnat. Là, ce serait plus gênant. Non, là, pour le coup, Mercedes, bravo pour la pole position aussi d'Hamilton, la première depuis Arabie Saoudite 2021. C'était comme 33 Grands Prix, je crois, de disette pour lui. Donc, bah voilà, Russell avait permis d'un Mercedes d'en avoir une l'année dernière au Brésil. Et une en Hongrie aussi. En Hongrie, exactement aussi, ouais. Ouais, c'est vrai. Pardon, j'ai oublié deux l'année dernière. Donc, bah, encore une fois en Hongrie pour Mercedes. Donc, c'est bien. Pour Hamilton aussi, ouais, bah, ça faisait plaisir aussi pour lui, je pense. Et puis, je pense aussi que c'était tellement inattendu. J'ai cette image du public qui saute, alors que c'est quand même un public assez acquis à la cause de Verstappen. C'était quand même assez sympathique de voir effectivement ce hurrah, voilà, pour Hamilton lors des qualifs pour sa pole position. Voilà, ça faisait plaisir d'avoir quelqu'un d'autre que Verstappen en pole position, soyons clairs, hein, même si on a rien contre Verstappen, je le répète. Hein, voilà. Mais bon, c'est vrai que ça nous donnait une autre perspective pour la course, sachant qu'en Hongrie, effectivement, logiquement, c'est difficile de dépasser. Mais bon, voilà, il s'est loupé sur son départ. Et à vouloir trop se protéger par rapport à Verstappen, il en a oublié les McLaren. Ce qui fait que voilà, ça l'a mis un peu sur le mauvais pied pour le premier relais. Il fait un excellent dernier relais. Donc là aussi, preuve que la Mercedes fonctionne quand même un peu mieux avec moins de carburant donc le samedi et donc en dernier relais de course. Excellente remontée de Russell, donc ce qui prouve qu'effectivement la Mercedes en condition de course est aussi très bien née. Après, voilà, les écarts, c'est toujours pareil. En performance pure, on a encore retrouvé des écarts extrêmement faibles. On rappelle comme un circuit comme la Hongrie est extrêmement technique. Ça demande beaucoup aux voitures, autant en mécanique qu'en aérodynamique, et les écarts restent quand même super faibles aussi. Donc ouais, non, je pense que ça reste prometteur. Alors, le problème de Mercedes, voilà, parce qu'on on va mettre le pied dans le plat tout de suite, c'est qu'on a une équipe comme Aston Martin qui est capable de nous faire un gain absolument incroyable pendant l'hiver. On a une équipe comme McLaren qui est capable de nous faire le même type de gain pendant la saison. Et on a Mercedes qui nous sort des évolutions, mais qui n'est pas capable de renverser la situation comme l'ont fait ces deux équipes-là. Pour moi, ça pose question, clairement. D'ailleurs, Hamilton commence clairement à s'en agacer. Hein. À tous les Grands Prix, voilà, il est, comme il dit, il est un peu comme un disque rayé, quoi, à force de répéter la même chose à ses ingénieurs, enfin, aux concepteurs. Il faut réussir à faire des gros gains comme l'ont fait Aston en hiver. Donc là, c'est peut-être plus compréhensible, mais que McLaren soit capable de le faire pendant une saison. Bah, je pense que pour lui, c'est la démonstration par A plus D que c'est possible de faire quelque chose de bien, même dans le cadre de budget capé, même dans le cadre de limitation soufflerie, bien que McLaren soit moins concerné par limitation soufflerie que Mercedes. Donc voilà, je sens que ça agace un petit peu. Hamilton n'a pas signé son contrat encore, même si émotionnellement, c'est le mot qui a été utilisé par Toto Wolff, émotionnellement c'est signé, donc en gros, ils sont d'accord. Je pense que voilà, clairement, c'est vraiment une question de termes techniques entre les avocats, vraiment des conditions auprès de Hamilton par rapport à Mercedes, par rapport à tous ces programmes de diversité et tout ça. Je pense que c'est vraiment là-dessus que ça se joue, pas tellement sur le fait qu'il a envie de rester et de piloter, ni même sur le salaire. Mais voilà, on sent quand même encore un petit agacement à la fin du Grand Prix d'Hamilton par rapport à ses ingénieurs, qui a vraiment souligné que, ben voilà, encore une fois, McLaren a démontré qu'on peut... Peut-être pas la deuxième force du plateau encore, mais bon, c'était kiff-kiff hein, sur ce Grand Prix-là, je pense. Je trouve qu'ils sont pépères hein, chez Mercedes depuis l'an dernier. C'est pas... Après, Mercedes, il ne faut pas oublier qu'ils ont fait un remaniement du département technique il y a très peu de temps. En fait, il n'y a eu aucune évolution en piste, amenée en piste, qui dépend de l'arrivée de James Allison. Donc, il faut voir ce que ça va donner. Pour moi, Mike Elliott a fait énormément de conneries dans sa manière de gérer le département technique. En fait, ils en étaient à un point où ils sont allés tellement loin dans le concept sous la direction de Mike Elliott qu'ils ne peuvent pas, de toute façon, cette année, Hamilton l'a dit, ce sera que des compromis. Alors après, il s'énerve un peu et tout, mais quand il en parle avec la tête plus reposée qu'après un Grand Prix, il le dit aussi, c'est que, et c'est Andrew Chauvin aussi qui l'a dit récemment, la voiture n'est pas adaptable pour des grosses évolutions. Et en fait, là, ils ont compris avec les pontons où ils doivent aller et tout ça, mais ils ne peuvent pas, par exemple, faire ce qu'a fait McLaren, qui avait déjà une philosophie bien plus proche de Red Bull, notamment avec les suspensions avant, notamment avec ce genre de choses, et qui a pu adapter un concept aéro très proche de celui de Red Bull, en fait. Et là, ce qu'a fait Mercedes, c'est s'en rapprocher, mais de toute façon, ils ont des limitations par rapport à la manière dont le châssis est conçu initialement. Donc après, moi, ce qui m'étonne plutôt, c'est que on dit que Red Bull a réussi à faire ses nouveaux pontons sans dépenser de temps dans le tunnel par rapport à son handicap, parce qu'en fait, les équipes ont le droit de faire des évolutions sur la voiture gratuitement, entre guillemets, par rapport à leur temps qui leur est donné, si ça déplace le refroidissement et qu'en fait, il y a des tests à faire sur le refroidissement. Et je ne comprends pas que si Red Bull a vraiment fait ça, comme ça a été dit ce week-end, comment les autres équipes, et notamment Ouais, c'est ça, Sam Collins, il a dit comment Mercedes, par exemple, n'a pas pu penser à cette zone grise et n'a pas pu changer le refroidissement de sa voiture quand ils ont fait un gros changement sur les pontons et pour gagner en fait en temps de développement. Mais peut-être aussi tout simplement que Mercedes est consciente qu'ils atteignent déjà le plafond de verre de cette voiture et que pour eux, maintenant, on repart sur un concept entièrement sain en 2024. Par contre, ils n'auront pas le droit à l'erreur et à l'excuse si 2024 commence mal. Après l'explication juste de ce point-là, juste pour avant de te passer la parole, Paul, l'explication de ce point-là, juste Manu pour compléter, c'est qu'effectivement, on a le droit de changer du coup le refroidissement et donc du coup la forme des pontons. Par contre, il est interdit du coup de passer les pontons et les modifications aérodynamiques en soufflerie et d'en tirer des données, des mesures. Voilà, c'est aussi il y a cette contrepartie-là, c'est qu'effectivement, je pense que Red Bull a avancé un poil à l'aveugle quand même. Donc, du coup, en faisant très confiance à leur CFD, donc la partie simulation. Mais bon, si vous avez une simulation qui est complètement calibrée avec la piste et avec la soufflerie, je pense qu'il peut y avoir effectivement cette confiance-là de se dire ok, bon, on ne crame pas nos derniers pourcentages pénalité aérodynamique en soufflerie en tentant effectivement la modif de refroidissement pour effectivement induire une modification de tonton gratuite, quoi. Donc c'est ce point-là qui est une zone grise apparemment. Vrai ou pas, je n'ai entendu effectivement que de la bouche de Collins donc sur la partie anglaise. Il n'y a pas eu de réaction des patrons d'équipe là-dessus dimanche ou samedi, parce que d'habitude sur ce genre de choses, tout le monde saute sur les patrons d'équipe pour avoir les réactions. Personne n'a réagi là-dessus. Donc vérité, mythe, pour l'instant, on va rester prudent là-dessus. Mais c'est effectivement, si ça existe, une zone grise qu'il faudra combler, quoi. Ouais. Globalement, je trouve que Mercedes, l'impression laissée par cette équipe, la voiture est bonne, c'est manifeste. Hein, globalement, sur la saison, c'est la deuxième force. Ils sont aujourd'hui les favoris pour terminer et troisième au championnat pilote et deuxième du championnat constructeur. Mais il y a toujours cette impression avec Mercedes, un peu comme l'année dernière, même si c'est mieux, bien sûr, qu'ils ne comprennent pas entièrement leur voiture, qu'à chaque fois, si ça marche, ils vont être agréablement surpris et si ça ne marche pas, ils vont être désagréablement surpris. On a l'impression qu'ils n'ont jamais vraiment une base sur laquelle s'appuyer. Et quand on voit malgré tout les résultats qu'ils ont, parce que voir Russell partir 18e et battre les deux Aston et les deux Ferrari, il y a vraiment quelque chose à faire, je pense encore mieux avec cette voiture, mais on a l'impression effectivement qu'il y a toujours ce petit plafond de verre qui les empêche d'aller un peu plus haut. Et ouais, comme dit Franck, je crois que maintenant il va falloir essentiellement se concentrer sur l'année prochaine comme les autres, parce que de toute façon Red Bull sera imbattable cette année, et que là cette fois il n'y aura en effet pas le droit à l'erreur. Alors ils partiront cette fois pas sur le concept zéro pourtant en 2024, c'est l'espoir pour eux qu'ils aient une monoplace qu'ils arrivent à comprendre dès le début, mais on voit qu'il y a encore du chemin à faire parce que c'est pas encore voilà, les résultats sont corrects mais ils ne sont pas encore au niveau où Mercedes aimerait être, c'est-à-dire à jouer Red Bull pour les victoires et à terme bien sûr pour le titre mondial. Effectivement, on rappelle 104e pole position de Lewis Hamilton ce week-end quand même, il continue d'augmenter le record et pour la première fois de sa carrière George Russell termine 6e. Les temps vignerons, on l'a répété 17 fois sur F1 TV, donc c'est important de... Je pense qu'il avait vu cette stat avant, il s'est dit, celle-là, faut que je fasse un all-in dessus. Quoi, rendez-vous compte, il va finir 6e, mais sans lui jamais arriver, hein. Il a fait les 19 places, mais pas dans 6e. D'ailleurs, il n'a jamais fini 20e non plus, donc il peut encore aller chercher ça. Et puis, qui sait, si la FIA fait venir deux équipes, il pourra finir 21, 22, 23e ou 24e. Par contre, si tu termines à cette place-là, c'est que tu n'as vraiment pas passé un bon grand prix, donc ça risque de ne pas le rendre très heureux, même s'il arrivait à faire le set complet des positions à l'arrivée. Messieurs, eh bien, Ferrari, alors on va faire plus long que 9 secondes. Hein. À où on commence? Leclerc est 7 et Sainz 8e, donc ça va. Déjà, non, ça va pas. Pour une équipe des 4e du championnat, si. oui, c'est vrai, ils sont à leur niveau. Non, moi je vais commencer par Sainz vite fait, qui a encore glandé en piste et failli embarquer Leclerc et l'a ralenti et l'a perturbé. Et tout le monde trouve ça normal, il est toujours pas inquiété par la FIA, alors qu'il est côté droit de la piste et qu'il se rabat vers la gauche pendant quand Leclerc arrive. Donc Leclerc a dit « je vais rester calme, mais franchement, au bout d'un moment, ça suffit, quoi. » Et voilà, après en course, j'ai rien à dire sur les pilotes spécialement, beaucoup plus sur l'équipe. Mais on y reviendra après. Qu'est-ce qu'elle a fait de mal, l'équipe ? Et tout n'est pas autorisé. C'est la seule équipe qui a des radios qui ne fonctionnent pas, c'est la seule équipe qui n'arrive pas à faire les arrêts au stand, c'est la seule équipe qui n'est pas capable de prendre des décisions. J'ai quand même écouté les trois quarts de la course dans la voiture de Leclerc, il n'y a pas une consigne qui est donnée, c'est toujours suggestion, c'est toujours proposition, c'est toujours Il n'y a pas un truc clair. Alors, je veux bien croire que d'autres équipes font pareil. Norris, par exemple, on lui demande beaucoup quel plan il veut et tout, mais il n'y a vraiment rien de clair chez Ferrari. Et en plus de ça, la radio ne fonctionnait pas. Effectivement, Leclerc était assez inaudible pour son équipe, son ingénieur. Mais quand même, on parle de son ingénieur. À un moment, Leclerc lui pose une question et son ingénieur lui répond tout simplement « Je te réponds en fin de course ». Et Leclerc lui a dit « Bah non, je n'ai pas besoin d'une réponse en fin de course, j'ai besoin d'une réponse maintenant ». Donc quand même, c'est des trucs comme ça. Autour d'un café. On en parlera tout à l'heure. Ah non, mais c'est dingue. La question de Charles Leclerc sera investiguée après la course. Ah ouais, mais c'est... C'est pas logique. Moi, j'ai entendu ça. Et en plus, ce qui m'énerve, c'est que quand tu écoutes les courses complètes de Leclerc, Xavier Marcos ne fait pas un mauvais travail d'ingénieur parce qu'il lui donne des infos qui sont intéressantes. Par contre, il fait un mauvais travail d'ingénieur parce qu'il lui donne des infos n'importe comment. Des fois, il fait des séries de 3 phrases et genre, ça va être le temps autour d'Hamilton, pense à mettre ce mode-là et dis-nous combien de temps tu vas tenir avec tes pneus. Mais tu ne peux pas lui balancer 3 phrases comme ça. Enfin, c'est pas logique, en fait, il n'y a rien de logique. Et encore une fois, le week-end de Leclerc se fait détruire. Il se fait détruire un tour par son équipier en qualif. Il se fait détruire sa stratégie par Ferrari. Et en plus, il se fait rater un arrêt au stand. Enfin, ça fait plusieurs émissions, je le dis, mais Leclerc, je ne sais pas ce qu'il prend pour ne pas avoir pété un câble. Et Nicolas Todd, son manager, pareil. Enfin, au bout d'un moment, ces gens-là, comment ils font pour rester calmes? Ou alors, est-ce que derrière les portes closes, ils explosent et puis on n'en sait rien, nous autres? Mais ça, enfin, moi, ça me rend fou. Et en fait, Leclerc... Maintenant, j'ai envie de lui dire, si quelqu'un te propose un contrat, signe-le, pars-de-là, fais quelque chose de ta vie, qui ne soit pas chez Ferrari, parce que tu vaux mieux que ça. Et on se rappelle que quand fin 2020, Vettel part de chez Ferrari, il marque à Leclerc sur le casque qu'il lui donne, ne gâche pas ton talent. Et franchement, pour moi, c'était un message prémonitoire, c'était un message d'un mec qui avait vu comment fonctionnait Ferrari et qui lui a dit, ne reste pas ici, tu ne gagneras jamais avec cette équipe. Et là, maintenant, j'en suis quasiment convaincu, Leclerc, il est en train de gâcher sa carrière. La Slim Tuslo qui sera en Grand Prix de Belgique qui lui dit j'espère pour Xavier Marcos que je le croise pas ce week-end hein, parce que je vais absolument rien faire. Mais attention hein, et ben je trouve si tu le croises tu devrais secouer ton poing oh là là pour lui faire comprendre qu'on en a gros. Alors, Manu a dit qu'il y avait absolument rien de clair chez Ferrari. Moi je d'ailleurs je suis pas d'accord avec ça parce que comme on a il y a au moins Charles Leu qui est clair. Charles Leu. C'est la Charles Leu. Bon pardon. c'est clair. Mais non, mais ce que tu fais, Sobright and Delicate, si tu... Non, c'est qui? C'est Sim Too Slow. Si tu croises Xavier Marcos, tu lui dis I come back to you et tu reviens le voir 2 secondes plus tard. Tu vois, comme ça, il verra ce que ça fait. Il verra ce que ça fait d'avoir ce genre de message. How are you doing today? Question. Xavier Marcos, d'ailleurs, il a eu un hommage de la part de Twitter qui s'appelle X. C'est le X de Xavier Marcos. Ah, mais c'est lui! Mais oui, voilà. Tu poses tes questions, oui, ça, il reviendra plus tard après toi. Je peux que abonder dans le sens de Manu. Il est grand temps que Frédéric Vasseur fasse un grand coup de ménage là-dedans. Et s'il juge que c'est pas utile, c'est que Vasseur doit dégager. Quoi. Au bout d'un moment, je suis désolé. Ça marchait même mieux du temps de Binotto. Quoi. on est quand même à dire ça. Quoi. Alors la voiture marche moins bien, je suis d'accord. Mais en termes de stratégie, il n'y a rien qui va sur aucun Grand Prix. Avec Binotto, au moins un Grand Prix sur 2, ça se passait à peu près normalement, on va dire. Ouais. Là, mais ils sont complètement paumés, les garçons. Il n'y a pas un week-end qui se passe bien. Non, et effectivement, il y a zéro prise d'initiative de la part du jury des stands. Il y a zéro conseil ou zéro même ordre. On voit très bien un Jean-Pierre Lambiaz qui est capable de remettre en place son pilote, un Bono qui est capable de remettre en place son pilote. Pour Verstappen et pour Hamilton, on dirait que Leclerc et Sainz sont les deux saints de Ferrari sur lesquels il ne faut pas toucher, il ne faut pas crier à la radio. Alors, je ne sais pas s'ils font exprès du coup de brouiller la radio pour éviter qu'on leur crie dessus, parce qu'apparemment la radio chez Ferrari effectivement ne fonctionne pas. Je ne sais pas, hein, ils ont peut-être qu'à passer par un iPhone ou j'en sais rien, mais c'est absolument hallucinant de voir un tel... Je sais pas, c'est d'immobilisme, voilà, c'est ça, du dilettantisme, comme dirait un certain Laurent R. il peut peut-être aller là-bas maintenant. Voilà, c'est ça. Il y a du temps. Franchement, je ne sais plus quoi penser. Je pensais vraiment que Vasseur nous mettrait un coup de pied dans la fourmilière. J'ai l'impression qu'il est en train de se faire empapaouter par tout le monde chez Maranello. Ou alors il a un sacré plan en tête qui va dérouler, mais alors d'un coup, qu'on ne verra pas venir. Le seul qu'on devrait pouvoir venir, c'est en 2025. Rendez-vous compte, en 2025, on devra avoir Loïc Serra, le responsable de la performance de Mercedes qui devra arriver. Bon, bah, les gars, mettez-vous en sommeil pendant un an et demi, on attend 2025, quoi. Et peut-être qu'en 2026, on changera la stratégie, en 2027, on changera la cantine. Et c'est ça, surtout que s'il arrive en 2025, ça veut dire que c'est pour le projet 2026, donc ça veut dire que d'ici là, ils ont encore admis que pendant 2 ans, ça va être la même merde, en fait. Parce que, alors apparemment, l'an prochain, ils veulent quand même revoir la voiture largement, ce qui ne serait pas une mauvaise idée vu le tromblon que c'est, mais au bout d'un moment, il faut aussi que... enfin, ouais, moi, je suis surpris, j'ai l'impression que Vasseur avait un moment pivot dans les 6 premiers mois, je ne sais pas exactement quand, mais qu'il l'a raté. C'est-à-dire, c'est ce moment où, comme Jean Todt à l'époque, il aurait dû montrer au board de Ferrari que c'était lui qui décidait, et pas que c'était Benedetto Vigna ou que c'était John Elkann, et j'ai l'impression qu'il l'a passé, il a raté ce coche, parce que en fait, j'ai pas l'impression que Frédéric Vasseur ait de pouvoir dans cette équipe. On a beaucoup parlé de son recul et de son détachement dans les interviews, et en fait, il me donne pas l'impression d'un directeur qui soit responsable de tout ça. J'ai l'impression qu'en fait, il est pas. C'est quel que soit ce qui se passe, il montre que c'est pas de sa faute, en fait. Je sais pas comment dire. On a l'impression que c'est pas lui le décisionnaire, en fait. Et c'est ça qui me pose problème, parce que pour moi, en fait, il y a tellement de trucs qui vont pas qu'il aurait déjà dû prendre des décisions. Il aurait dû prendre des décisions radicales, en fait, sur les. Sur la manière dont est gérée l'équipe opérationnelle, puisque c'est quand même son taf. Laurent Méquies étant au départ, c'est le boulot de Laurent Méquies, mais il est sur le départ, donc en fait, c'est à lui de le faire. Et là, Laurent Méquies ne fait plus rien, parce que de toute façon, il va partir à la fin du mois. Et Frédéric Vasseur, il est dans l'attente, mais dans l'attente de quoi, en fait? Enfin, combien de stratégies on va encore rater? Combien de pit stops on va encore rater? Combien de courses on va encore ruiner à Leclerc? Combien de fois on va lui demander de la fermer quand il commence à essayer de s'exprimer? Enfin, quel est comment cette équipe est aussi politique, on le sait, mais comment ça peut à ce point-là influer sur ce qui se passe dans la partie publique de l'équipe? Moi, ça me rend fou, alors que c'est pas quelque chose qu'on attend en F1, en fait. Après, on a Marie-Jean Balègue dans le chat qui nous dit « La voiture valait-elle mieux que 7 et 8 ce week-end, enfin ce dimanche ?» Et ça, j'en suis pas sûr. Et là, vous voyez, tout a planté. Mais rassurez-vous, il reste ma voix, c'est déjà un début. Voilà. Mais super, dès que je pose les vraies questions, dès que je mets les pieds dans le plat, il n'y a plus, voilà, je suis censuré. Alors, la voiture ne valait pas forcément beaucoup mieux, mais Vasseur dit qu'avec l'arrêt raté, plus la pénalité qui en découle probablement par énervement, plus le fait que Leclerc se retrouve dans le peloton, il perd 20 secondes et qu'au lieu d'une 7e place, il aurait fait probablement une 5e place juste derrière Hamilton. D'accord. Donc oui, la voiture valait mieux en termes de rythme. La pénalité, il l'a en rentrant au stand par contre, je crois. Parce qu'on a vu le replay où il bloque la roue. Il bloque la roue en rentrant. Dans ces cas-là, ces 5 secondes-là, elles sont pour lui. Mais dans tous les cas, la voiture valait potentiellement un top 5. Ce qui n'est pas plus glorieux, de toute façon. Après, non, mais bon, en fait c'est que à chaque fois, on dit quand une voiture ne fonctionne pas, regarde Alpine, l'an dernier, la voiture n'était pas terrible, mais ils avaient toujours le résultat qu'ils pouvaient au maximum parce qu'ils étaient tout bien. Et c'est un peu ce que font les autres équipes cette année. En fait, tu as l'impression que toutes les équipes exploitent au maximum ce qu'elles peuvent faire. Et en fait, Ferrari, non. Ferrari, c'est... comme tu dis, Franck, il n'y a pas un week-end qui se passe bien. Ça va être Sainz qui va faire n'importe quoi. Ça va être la stratégie n'est jamais la bonne. Elle n'est jamais décidée. C'est un coup le pilote qui oublie son plan, un coup les plans qui ne sont pas bons, un coup on fait... Enfin, et au bout d'un moment, il n'y a pas un week-end. C'est le club bad. Comment ? C'est le club bad pour moi. Ah mais totalement, il n'y a pas un week-end où tout le monde fait son taf, en fait. Et Vasseur parle comme un JO chaque fois à Canal. Avec le grand sourire, la grande blague, alors que tout va mal, quoi. Enfin, mais même et même sur F1 TV, il répond comme ça, donc c'est pas que l'aisance de Canal, en fait. C'est vraiment c'est très relatif, ouais, c'est ça. C'est ça va pas, très pas si mal que ça. La voiture n'est pas larguée non plus, mais elle progresse pas, en fait. C'est ça le truc, c'est qu'elle ne progresse pas et ça pourrait être beaucoup plus proche, quoi. Ouais, c'est ça qu'il faudrait, ouais, effectivement, que ce soit un peu plus. Ça se rapproche, mais tiens, puisque ben voilà, on va passer d'une déception finalement, Ferrari de pas si décevant. Par contre, Aston Martin, moi je vais mettre les pieds en plat. Moi, je trouve que ça ne va plus. Et là, il faut quand même réellement commencer à se poser. Non, mais c'est bon, vous avez eu votre heure de gloire, vous avez fait croire. Mais non, mais d'accord, aller, mais non, moi j'avais pris goût. non, c'est retour à Alpine niveau 2022, et puis voilà. Tu vois, Michael, tu disais à Monaco, tu disais, oh, de toute façon, moi, les deuxièmes places, j'en ai marre, machin. Et bien, ils t'ont écouté, voilà. Ils n'en font plus. Mais oui, mais c'est gentil. Mais refaites un ou trois quand même, c'était bien. C'est sympa. Mais parce que j'en avais parlé avec, avec notamment notre ami Loïc Schoenvaspol, mais je suis désolé, on ne peut pas estimer pour l'instant que c'est très positif la direction que prend la saison d'Aston Martin. Oui, il a des débuts de saison est formidable, c'est super. Mais enfin, pour une voiture qui est censée évoluer à 95%, excusez-moi, mais pour l'instant, on n'a pas vu grand-chose. Et, et c'est quand même inquiétant. L'an dernier, ils ont réussi à faire évoluer une voiture qui n'était vraiment pas terrible. Et elle n'était pas, devenue géniale, mais au moins, ils faisaient des points à chaque Grand Prix en fin de saison. Et voilà, c'était quand même plus correct. Là, ici, 9 et 10 pour Alonso et Stroll, c'est grosso modo un poil mieux que ce qu'ils faisaient en fin de saison dernière. Ils se murmurent qu'ils auront un gros package d'évolution à Zandvoort, qui pour moi, du coup, proviendra directement de la moitié de saison passée en tant que 7e force en termes de développement. Donc, ça veut dire qu'avec beaucoup, beaucoup de travail dessus. C'est là, ce sera la grosse clé du truc, c'est-à-dire que si à Zandvoort ils font pas un énorme bond en avant qui les ramène au niveau de début de saison, on pourra dire que leur saison dans son déroulement a été ratée, c'est-à-dire que les résultats étaient bons, mais le déroulement de la saison où l'équipe part deuxième force et termine peut-être actuellement elle est cinquième force du plateau, c'est pas bon. Je pense que là ils sont. Pendant que juste l'évolution de Barcelone n'était pas dans la bonne direction en fait. Elle a fait stagner la voiture en fait, elle a peut-être permis de gagner un petit peu, mais pas assez par rapport à tous les gains qu'ont fait les autres équipes. Donc, effectivement, s'il y a encore un package de mise à niveau, c'est ce que dit Mike Crack, hein, c'est que, effectivement, en termes de développement, ils n'ont pas été assez bons. À confirmer sur le dernier package d'évolution qui arrivera. Maintenant, il ne faut pas oublier qu'Aston Martin a aussi eu à gérer un déménagement, tout un transfert des bureaux de conception, tout ça, en même temps, en parallèle. Je ne sais pas à quel point ça les a perturbés. Normalement, pas tant que ça, mais bon, ça joue quand même forcément sur les processus, sur le déroulement de la vie quotidienne, tout ça. Donc, à voir effectivement ce que ça donne. La situation n'est pas catastrophique, hein, parce que voilà, mais ils attendaient certainement mieux. En Hongrie, c'est un circuit un peu plus lent, sur lesquels l'Aston Martin, effectivement, avait montré de bonnes capacités, notamment à Monaco ou à Bahreïn aussi, sur les relances, virages serrés ou un peu plus un poil plus rapide où ça fonctionnait vraiment très bien motricité, et en fait elle a joué sur aucune de ses forces ce week-end quoi. Donc je pense qu'il y a une petite déception de ce côté-là. Effectivement, sans autres évolutions, ça continuera à rester à ce niveau-là où ça descendra quoi. Quand on me dit moi aussi je gère un déménagement au boulot, c'est pas pour autant que ça affecte les performances. C'est peut-être plus compliqué chez Aston. Vas-y Paul. Ah, c'est vrai que c'est une vraie déception ce week-end parce qu'eux-mêmes ont été surpris de ne pas fonctionner aussi bien que prévu sur un circuit qui aurait dû leur convenir. Alonso, en soi, en qualif, fait P8. S'il fait un dixième de mieux, il est P4 ou P5. Donc, en qualif, il n'était pas largué, mais c'est vrai qu'en course, c'était très, très décevant. Il se fait manger par Perez puis par Russell, respectivement. Et qui sait où aurait été Aston Martin si Alpine n'avait pas abandonné le premier tour et si les Alpha n'avaient pas manqué leur départ. Je ne suis même pas sûr qu'en course, c'était réellement la cinquième force, on ne saura jamais. Mais donc, ouais, il faut espérer pour eux que Zandvoort et le pack d'évolution apportent quelque chose. L'espoir qu'on peut avoir pour eux maintenant, c'est peut-être 2024, mais il faut effectivement bien développer ces monoplaces de 2023 pour performer en 2024, puisque les règlements seront similaires l'année prochaine. Voilà, c'est l'espoir que j'ai pour eux, c'est qu'ils aient déjà majoritairement basculé tous leurs efforts sur 2024. Je me dis que s'ils ont été capables de sortir une bonne voiture début 2023, ils peuvent être capables de sortir une bonne voiture début 2024, mais c'est vrai que les signes envoyés récemment sont pas très positifs. De toute façon, il suffisait de voir la tête d'Alonso à la fin du week-end, il n'était pas content, hein, c'est évident. On n'a pas encore retrouvé le Alonso râleur, mais attention que ça ne traîne pas trop quand même, parce qu'il était sincèrement déçu. Depuis le début de saison, on voit Alonso, même s'il ne faisait pas un podium, il prenait ça avec le sourire, c'était pas un bon week-end. Là, on a senti que non, ok, c'était une vraie déception, c'était une contre-performance inattendue dans de telles proportions. Et si la dynamique ne s'améliore pas, je les vois fortement dégringoler même, parce que voire rétrograder jusqu'à la cinquième place du championnat constructeur, si effectivement leurs évolutions ne rapportent pas quelque chose, parce que là, ils ont pas de matelas en fait. Hein. Mercedes est loin devant, Ferrari est juste derrière. Et McLaren, qui viennent de leur reprendre une quarantaine de points en trois courses, ils sont à moins de 100 points de retard. Donc attention quand même de ne pas, vivre une fin de saison vraiment en forme de calvaire. Ils n'ont pas de matelas, ils dorment quand même un petit peu. Hein. Mais au rythme où les choses... ils dorment même très bien. Les choses, pas vraiment. Hein. Parce que si là, s'ils valent 9 et 10, en sachant encore une fois que les Alpines et les Alpha, moi, je ne suis pas sûr qu'ils étaient vraiment devant en rythme de course, ont eu des soucis. Là, aujourd'hui, ils sont largement largués par Mercedes, McLaren, bien sûr, mais même par Ferrari. Enfin, Sainz qui ne fait pas un gros Grand Prix, Alonso n'arrive pas à le menacer en fin de course. Donc, c'est quand même pas... C'était pas génial, quoi. C'était vraiment pas génial. Et c'était un circuit qui était censé leur convenir. C'est ça qui m'inquiète un peu. C'est que, voilà, on verra, ce sera peut-être mieux d'Espa et surtout après la reprise, mais c'est pas prometteur. La deuxième partie de saison s'annonce quand même plutôt pénible que prometteuse pour l'instant. Spa, c'est pas trop leur tasse de thé, normalement. Ouais, c'est une droite rapide, virage rapide. C'est pas simple. Le chat nous demande aussi qui tape très fort au clavier. Ce n'est pas notre façon de faire de dire qui est enfin voilà, de dénoncer les gens, mais c'est Manu. C'était moi. J'ai coupé le micro pour filer ma réponse à monsieur Mulix dans le chat. Voilà. Manu sur Tinder en fait, en parlant. mais il utilise Tinder comme un vieux sur PC. c'est pas la même chose. Chez Williams, ça y est, rassurez-vous, on commence à rentrer dans le ventre mou de l'émission. Donc là, Williams, c'est un peu... Bon, c'est bien, même sur des circuits réputés oui, pas être très bons pour la voiture, il n'est pas si loin des points. Donc ça, c'est quand même encore positif pour eux. Ouais. Eux-mêmes étaient assez surpris de cette performance. Hein. Finalement, ils s'attendaient à être un peu plus en souffrance. Alors bon, les deux se font éliminer en Q1 le samedi, donc c'est un peu dommage pour eux. Mais c'est vrai que le rythme de course était étonnamment bon et on voit que les évolutions ont bien fonctionné. Donc, la voiture devient plus complète, ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Là aussi, encore une fois, c'est vraiment une équipe comme toutes les autres qui, en fait, gomme ses défauts au fur et à mesure. Et c'est hyper impressionnant de voir que les voitures qui étaient très typées, même en début de saison, le sont de moins en moins. On parlait de McLaren qui corrige les virages à vitesse moyenne, ben là c'est pareil pour Williams avec les virages à vitesse plus lente. Et globalement, en fait, tout ce qui était grip mécanique manquait énormément à la voiture, donc il y avait beaucoup plus de difficultés à sortir des virages plus lents parce qu'il y avait manque de motricité. Et alors qu'à l'inverse, ils ont un excellent grip aéro qui leur permet d'être très bons dans les virages rapides et avoir une très bonne vitesse de pointe. Mais effectivement, le grip mécanique progresse, donc ça peut notamment les aider à Monza où ils sont très attendus, parce que là-bas, ils auront à la fois maintenant cette motricité qu'il faut pour sortir des virages lents, et à la fois, normalement, de quoi passer les virages rapides et les lignes droites de manière très très rapide. On va voir effectivement ce que ça donnera, mais en tout cas, voilà, c'est encore un bon grand-père. Si Cloexane a raison aussi, Alpine se torpille au premier tour, Alpha tombe aux oubliettes, sans ça c'est une 15e place maximum, c'est sûr que voilà, il y a aussi eu des éléments de course qui ont été en leur faveur, bien sûr, mais toujours est-il que c'est vrai que la Hongrie, on pouvait les attendre un peu moins bien. Oui Manu. On ne sait pas ce qu'aurait donné, enfin le rythme d'Alpha en course était quand même moins bon que ce qu'il était en qualif. On n'est pas sûr que Albon n'aurait pas réussi à remonter au moins sur une des deux Alpha par exemple, donc voilà, après avec des six on refait la course, mais le fait est que potentiellement, ils pouvaient jouer la 13e place à la régulière, ce qui est, pour moi, très correct. Oui, c'est honorable pour Williams, très honorable, ça veut dire qu'ils sont en train de s'affirmer comme entre la 6e et 8e force du plateau, en gros, sur tout type de circuit, ce qui est très intéressant, et il faut rappeler qu'ils reviennent de très loin, hein. Ils étaient largement damnés l'année dernière, et là, ils sont en tête, on va dire, du groupe C de la F1, quoi, du peloton qui regroupe en gros AlphaTauri, Alfa Romeo... c'est Williams, c'est un peu eux qui sont en train de prendre dessus sur cette bataille. Donc à leur échelle, c'est très bien. Hein. Moi, franchement, il n'y a pas beaucoup de critiques à faire. S'ils arrivent à terminer 7e du championnat en fin de saison, ce sera vraiment une très bonne réussite pour Williams cette année. Avec des écarts qui se tiennent en 2-3 dixièmes, on n'est plus sur les 5 dixièmes, 1 seconde de l'an dernier. Quoi. En plus, voilà. Ça, en plus, encore que l'an dernier, ils étaient bien remontés en fin d'année, hein, je trouve. On est un peu sévère avec l'équipe. Progresser comme sur. C'est vrai. T'as raison de le dire, ils restaient dernière force, mais au contact des autres, pas comme sur certaines années où effectivement ils étaient peut-être à une seconde. Voilà, 2019-2020, là c'est un désastre. Ils étaient. Ouais. Enfin, surtout 2019 d'ailleurs. C'était vraiment au fond du trou. C'est quand même vraiment bien, effectivement, en termes de progression sur plusieurs saisons. Chez Alfa Romeo, quel dommage. Super qualif. Ouais. Gâché par effectivement un problème technique sur la voiture de Joe. Donc apparemment le système de freinage qui s'est mis en rade et qui a du coup mis l'anti-stall au moteur. Ils comprennent pas encore, enfin, au moment des déclarations post-course, ce qui a pu provoquer effectivement l'interaction entre les deux systèmes en fait. Donc, il y a un problème de système de freinage, je pense, le système de freinage régénératif, je pense que ça va être les freins arrière électriques, voilà, qui servent effectivement à récupérer de l'énergie, et qui ont mis en calage, enfin l'anti-calage du moteur, ce qui a fait perdre énormément de place à Joe. Ben, sa superbe qualif qu'il avait réussi a fait donc du coup reculer aussi son équipier, voilà, qui en a aussi pâti derrière, effectivement, suite à ce très mauvais départ, et la superbe performance des qualifs qui aurait pu assurer une bonne place au moins pendant le premier relais et peut-être la garder un peu pendant le deuxième relais, après advienne que pourra dans le troisième. C'est dommage pour eux parce que c'est des points, une opportunité qui s'envole. Par contre, c'est quand même, pour le côté positif, parce que je retiens le côté positif, une preuve que les évolutions apportées à Silverstone fonctionnent bien, mieux en tout cas. Et ils commencent effectivement à regrignoter cette perte de terrain qu'on avait un peu constaté au fur et à mesure. Et même Bottas, qui revient un peu plus, à l'aise avec ces évolutions-là par rapport à Joe. Joe reste devant, quoi. Mais on sent que Bottas reprend un poil du poil de la bête. Voilà. Ouais, un Bottas. Alors, tu as raison de souligner que si Joe rate pas son départ, il n'est pas obligé de l'éviter, il perd moins de position. Mais après ça, dans les virages suivants, il perd encore 2-3 places. Oui. Parce qu'il a toujours ce problème, Bottas, il est trop tendre sur les freinages et tout ça par rapport à ses concurrents. Et ça, c'est pas à cause de son coéquipier. Donc, c'est un premier tour moyen, à moitié par sa faute quand même. Et après, de toute façon, une fois qu'ils étaient relégués aux positions qui sont les leurs habituellement, c'est difficile de développer un bon rythme de course quand vous êtes bloqué dans le ventre mou du peloton. Donc, un énorme manqué pour Alfa Romeo, une opportunité potentielle de points qui s'envolait. Et encore, ça aurait été dur, hein, top 10. Pour rester réaliste, je crois que ça aurait quand même été extrêmement compliqué dans la mesure où on a 5 top teams qui emmènent tous leur voiture à l'arrivée. Mais dans tous les cas, c'était l'occasion de briller qui s'envole un peu. C'est dommage. Je ne suis pas sûr qu'il y aura beaucoup d'autres 5e place en qualif pour Alpha cette année. Ouais, parce qu'en course, en plus, la voiture était quand même beaucoup moins bonne. Maintenant, on ne l'a pas évoqué, mais je suis d'accord sur le fait que Joe manque de chance sur le départ en lui-même. Enfin, après, le strike, il n'est pas non plus obligé de le faire. Hein. Je vous trouve très... très sympa avec lui, il ruine la course des deux Alpines quand même. Hein. Ouais, mais c'est un petit choc. Enfin, c'est pas comment dire. Oui, c'est pas un énorme. Oui, c'est pas. Il a pas freiné 100 mètres après tout le monde. Le freinage est raté. Il pousse juste un peu l'AlphaTauri qui arrive dans les Alpines, mais c'est. C'est sûr que de toute façon, si Ricciardo n'avait pas remplacé De Vries serait parti 19e. il n'aurait pas. Il aurait eu la place pour rater son freinage. Voilà, non, mais c'est vrai que pour moi c'est de petites erreurs aux grosses conséquences et après Alpha c'est quand même un gros problème parce que la voiture n'a pas un système de départ qui semble fonctionnel depuis maintenant 2 ans quoi. C'est surtout ça le souci, ils ont des emmerdes au départ tout le temps. À chaque fois qu'ils se qualifient à peu près bien, de toute façon ils sont soit 12 et 15, soit 18 et 20 au départ après le départ quoi. C'est terrible et en plus effectivement. Joe perd un peu pied parce que dès qu'il a un souci comme ça, il ne sait pas trop où se mettre, comment faire et tout, et il manque un peu d'expérience. Et Bottas, tu as raison de le souligner, Paul, c'est mou, c'est toujours mou dans le peloton, quoi. À chaque fois, comme quand il était chez Mercedes et qu'il se retrouvait à la lutter pour le top 10, on le voit, il est au final pas très combatif, il n'ose pas fermer les portes, il n'ose pas attaquer, du coup il se fait juste déborder et puis il abdique parce que de toute façon c'est pas grave, c'est qu'une place. Mais une place plus une place plus une place, et il en perd 3 ou 4 au départ. Et puis à chaque fois, c'est les mêmes problèmes. Quoi. Les départs de. Alors autant on voit des pilotes à l'avant de la grille, les Alonso, Hamilton, et tout ça, qui font des départs flamboyants, ou même Verstappen et Piastri, on parlait tout à l'heure, mais Bottas, ses départs, c'est une purge. Hein, régulièrement, je les regarde après les week-ends, c'est mou. Quoi. Enfin, c'est pas un pilote qui a envie. En fait, je sais pas s'il a peur d'abîmer la voiture, s'il n'est pas à l'aise avec son placement dans l'espace, un peu comme disait Russell, et je pense qu'il parlait aussi de lui. Mais il y a vraiment un problème où Bottas n'est pas capable de défendre, certainement pas à la limite comme le ferait un Perez, mais même juste pas du tout. Quoi, en fait. Enfin, encore une fois, on parle souvent de Sochi 2021 où il se fait juste endormir par Verstappen dans un virage rapide. C'est rare. Je trouve que le rapport entre son expérience et sa façon de se battre en peloton est proche de l'inadmissible quand même. Michael nous dit sur YouTube, le meilleur départ de Bottas, ce sera son départ à la retraite. Oh. Même Alex n'aurait pas tenté celle-là. On cautionne pas. Là, on cautionne pas. Là, c'est pas correct. Là, moi, je me mets en porte-à-faux, je me mets en haillon, je me mets en coffre, en tout ce que vous voulez. Non, non, non. Tournez de jean dans le paddock. là, c'est un scandale. Et juste, Michael, pour te répondre sur Guan Yu Zhao, perso, c'est pas que je veux pas être trop gentil avec lui. Je me mets juste à la place d'un pilote qui fait la meilleure qualif de sa carrière, qui a encore tout à prouver et qui, à cause d'un problème technique, perd 10 places au départ. J'essaie de me mettre à sa place et d'imaginer la frustration et à quel point ça va chauffer sous le casque. Et si à ce moment-là, il est en train de parler à son équipe ou en train de se plaindre ou en train de s'énerver, il suffit qu'il freine 2 mètres trop tard. Effectivement, il harponne très légèrement Ricciardo. Comme l'a dit Manu, c'est une petite erreur avec des énormes conséquences. Alors, ça ne l'empêche pas de... Il faut souligner cette erreur, qui est une erreur grave hein, à ce niveau de la Formule 1. Mais sans lui pardonner, c'est plus une façon... Je comprends que cette erreur puisse arriver à ce moment-là parce qu'il vient de vivre un moment extrêmement frustrant et que voilà, c'est la plus belle performance de sa carrière sportive, tout simplement, qui est partie en fumée en quelques mètres, tout simplement. Donc, c'est vrai. Puis... C'est d'où ma compassion, entre guillemets, même si l'erreur reste grossière, hein, attention. Et puis il apprend Bottas aussi, donc en même temps, le virage en Hongrie, forcément, voilà. C'est ça. C'est sur le sec, c'est quand même ça qu'il faut souligner, Bottas fait sa bourse sur le mouillé, là c'est sur le sec, donc c'est vrai que ça fait un peu plus grincer des dents, mais bon, voilà. À sa place, je pense que beaucoup auraient peut-être fait la même erreur. Mais Bottas fait la même au Mexique en 2021 sur piste sèche aussi, je crois. Oui, si je dis pas et sur Ricciardo, je crois aussi d'ailleurs. Ouais, c'est ça. La même chose. Et Xoane, t'as raison, Paul, t'as fait pire à Spa quand tu envoies Alonso, quand tu satellites Alonso au-dessus de Leclerc en 2018. Ah oui. C'était... Et je savais qu'il y avait le halo, donc ça va. Oui, voilà, il n'y avait pas de risque pour l'intégrité de Charles Leclerc, donc c'était très bien. D'ailleurs, sachez, hein, j'espère que vous avez aimé dans le chat regarder hein, ces petites. On met les images en grand, des équipes et tout. Profitez-en parce que les plans sur l'Alfa Romeo en grand, vous ne les aurez pas la semaine prochaine hein, pour le Grand Prix de Belgique. Rien à foutre. Hein. Vous n'aurez que nos têtes parce que. Inadmissible. Jamais je ne pardonnerai. Comme diraient certains, parce que. Pour ceux qui n'ont pas vu, c'est la même livrée, sauf qu'il y a du vert fluo partout. Déjà qu'elle était moche. C'est immonde. Ah ben je l'apprécie de plus en plus. Et maintenant, quand je vois ce qu'ils sont capables de faire, Manu, je l'apprécie encore plus, cette voiture. Elle commente encore dans mon estime quand je vois ce qu'il peut faire avec Kik, avec la livrée. Après, si évidemment Kik veut nous offrir un pont d'or pour qu'on rejoigne la plateforme, on peut toujours en discuter. Et je peux toujours, évidemment, mettre un poster de la voiture de Spa derrière moi. Ça, il n'y a pas de... Alors... C'est vrai que pour enfoncer un peu plus Bottas, puisque Formule Blabla est dans le chat, le jour où il harponne Ricciardo sur le sec, c'est après avoir bloqué Hamilton et laissé Verstappen dépasser son propre équipier. Donc vraiment, Bottas sur les départs, c'est catastrophique. Alors que je voyais tout à l'heure des gens dans le chat qui disaient Bottas, il n'est plus là, mais factuellement, dans les batailles en peloton, Bottas n'a jamais été là. C'est-à-dire que le tour avant de se faire de gros crash avec Russell à Imola 2021, où je le trouve quand même bien responsable parce qu'il envoie Russell sur la partie dégueulasse de la piste, il se fait endormir par Stroll, genre qui a une voiture qui est une pâle copie de la sienne quand même à ce moment-là. Donc. Ah, mais alors, je crois que Manu dit des vérités qui ne plaisent pas à beaucoup de monde ce soir. Lorenz Stroll doit nous regarder, il a dit on coupe ça direct. Ah ouais, on coupe ça, le dépassement de Lorenz Stroll était merveilleux. Ah ouais, ça devient... Ça veut dire que je pense que ça n'aidera pas sa négociation au moment de prolonger son contrat. Bottas ne voyait rouge dans le peloton que face à Raikkonen pendant un bon bout de temps. Je veux être le meilleur des Finlandais. Voilà, c'est bon, l'objectif de F1. AlphaTauri. Alors, petite chose qui est peut-être passée inaperçue, mais du coup, c'est le retour de Daniel Ricciardo ce week-end. Non. Ah bon, je te jure, Paul. C'est bon. La F1 aurait communiqué dessus si c'était le cas, non? Oh non. Ils auraient pu nous prévenir. Ils n'ont pas fait du très très bon boulot. Moi, je Non, mais c'est juste que là, on a un peu plus vu l'AlphaTauri ce week-end, c'est pour ça, mais Ricciardo a toujours été là. Hein. T'as pas suivi le début de saison. Alors, mais c'était. Moi, je n'en pouvais plus, j'adorais les commentaires sur Twitter. Écoutez, ça fait une heure qu'on n'a pas eu de tweet sur Ricciardo, j'espère qu'il va bien, parce que moi, personnellement, ça m'inquiète, ça devient compliqué. Bah, on va résumer quand même, hein. Ricciardo, très bon retour, on va dire quand même. Ça va, écoute, oui, il fait vraiment. Ah, voilà, très très bon retour. De quoi énerver Tsunoda pour de bon, je pense. Que Tsunoda, il avait dit, il a sorti 15 secondes de déclaration après la qualif, il a fait à peine mieux après la course. Je crois que si Ricciardo a retrouvé son mode. Alors, de toute façon, c'est qu'une seule course, on est d'accord, mais il ne connaît pas la bagnole. Il ne connaît pas l'équipe telle qu'elle est aujourd'hui. Ça fait quand même un bon bout de temps qu'elle est partie. Il est parti. Il réussit quand même effectivement à être dans le bon rythme tout de suite. Donc c'est quand même plutôt bien. L'AlphaTauri n'est pas une voiture facile à conduire, même si, d'après les retours qu'il a donnés, elle n'a pas une faiblesse particulière. Ce qui tendrait à conforter effectivement que l'AlphaTauri n'est pas si mal née que ça. C'est juste qu'elle manque de performance globale un peu. Elle manque surtout d'appui. Donc elle n'est pas très irrégulière ou très mal équilibrée ou très pointue sur l'avant ou glisse trop à l'arrière. Elle est juste, d'après Ricciardo, en tout cas, d'après les premiers retours, c'est qu'elle est. Il est juste un poil en manque d'appui par rapport à ce qu'il a pu voir chez McLaren ou chez Red Bull avec le test Pirelli. Donc voilà les premiers retours techniques de Ricciardo qui confirment apparemment ceux de Jonathan Edholz et de Higginton. Donc voilà. Et après, sinon, voilà, super début de. Enfin, superbe reprise, on va dire. Hein, voilà. Et soyons clairs, hein, on dit toujours chez Red Bull, ouais. Il n'y a pas de compétition entre les pilotes, machin, tout ça. Non, non, mais là, maintenant, les choses sont extrêmement claires. Quand on voit que Marco est capable de virer un De Vries après au bout de 10 courses, de remettre un Ricciardo, de voir le benchmarker face à Tsunoda, soyez clair que Perez, derrière, c'est la prochaine cible. Ouais. Et Tsunoda a très bien conscience que c'est son avenir à lui qui se joue. Ouais. Si Ricciardo, effectivement, réussit à le dominer, c'est pas dit que Ricciardo aille remplacer Perez. Par contre, peut-être aussi après condamner les chances de Tsunoda chez Red Bull, surtout. C'est exactement ça. Voilà, donc ouais, là, je pense que Tsunoda l'a un petit peu senti passer ce week-end. Ça a intérêt à vite se reprendre de son côté. Sinon, effectivement, bravo à Ricciardo pour ce retour. Voilà, voilà. Pour l'instant, pas la sonnette d'alarme pour Tsunoda. 13 millièmes seulement en qualification. C'est la différence entre une Q1 et une Q2. C'est pas dramatique, mais effectivement, je m'attendais moi, personnellement à ce que Ricciardo souffre plus, surtout en course. Je m'attendais à ce qu'en fin de course, il soit rincé et tout ça. Et en fait, il était en grande forme, honnêtement. Bravo à lui, parce qu'il a passé 6 mois à nous expliquer qu'il s'était laissé aller. Mais en fait, pas du tout. Il est vraiment de retour en étant ultra fit. Et il a été rapide tout le long de la course. Et finalement, alors, ils n'avaient pas la même stratégie. Mais dans tous les cas, il était plus rapide, en fait, tout simplement, sur la course. Et c'est vrai qu'il finit quand même nettement devant. Donc, tout qui perd beaucoup de place au départ, à cause de tout. Oui, ouais, bah oui, ça, il repart dernier, hein. Il repart bon dernier avec du retard et ensuite il fait un relais magnifique de 40 tours sur le pneu médium qui fait tenir très très bien. Donc non, je suis entièrement d'accord. Première très réussie pour Ricardo pour son retour, à confirmer lors des courses suivantes. Mais je pense qu'on peut dire qu'on a déjà vu en une seule course chez AlphaTauri un meilleur Ricardo que sur toute la saison 2022 en fait, d'ores et déjà. Et ça c'est quand même déjà très bon signe. La seule réserve qu'on a pour l'instant, c'est qu'effectivement en face de lui, pour l'instant, c'est Tsunoda, c'est quand même pas encore Norris. Mais le fait de le battre en qualif et en course pour sa première, c'est quand même très prometteur. Et malgré tout ce qui se peut dire, quand on voit un Perez qui se crache en essai libre 1, tout ça joue sur beaucoup de gens. Donc Ricardo pourrait poser problème à Tsunoda et à Perez pour la suite de leur carrière. Donc il pourrait être en performance si les deux autres ont du mal à briller d'ici la fin de saison. Capable de trancher deux têtes entre guillemets indirectement. Mais de là à dire qu'il sera chez Red Bull en 2024, il y a encore du chemin. Perez peut aussi faire une excellente fin de saison, gagner quelques courses, et Ricardo aura peut-être pas que des week-ends aussi faciles, mais cette première impression est quand même très très bonne par Ricardo. Et ça fait du bien de revoir Daniel Ricardo en fait. On note aussi que Tsunoda a eu juste un arrêt loupé aussi, hein, donc ça n'a pas aidé sa course. Et une mauvaise stratégie. Ah ouais, c'est pour ça, à confirmer quand même sur les prochaines courses, mais c'est vrai que Ricardo revient, il a l'air à l'aise en fait dans la voiture. Pourtant, il la connaissait pas du tout et il a eu l'air de trouver à peu près ses marques. On a vu un Ricardo avec le sourire, enfin, c'est vrai que c'était un moment que c'était pas arrivé. Et puis, effectivement, il faut voir ce que donne Ricardo, mais clairement, moi je suis totalement d'accord avec vous, c'est que le recrutement de Ricardo n'est pas du tout un hasard et c'est un message envoyé directement à Perez. Sachant que Verstappen a dit que lui il aurait aimé que Ricardo ne parte jamais de Red Bull et que Verstappen a quand même un minimum d'influence. Surtout que Marco écoute Verstappen de manière très, comment dire, très religieuse, merci. Et je pense effectivement que Perez, s'il se rattrape pas avec une énorme fin de saison, risque d'être rapidement en difficulté. Alors, est-ce qu'ils arriveront à faire casser son contrat, qui implique quand même la présence de trois sponsors, enfin cinq marques, dont trois gros sponsors, en gros, c'est quand même compliqué à imaginer. Mais s'il y a clause de performance, ou si tout simplement Red Bull décide qu'avec avec leurs sponsors qui leur filent 150 millions par an, ils ont assez, ben, ils pourront se passer de Perez. Et c'est vrai que, sachant que derrière aussi, dans les pilotes qui doivent venir, il y a quand même Liam Lawson qui fait un excellent boulot au Japon et qui est une vraie menace pour Alpha, pour Tsunoda, notamment chez AlphaTauri. Donc, on pourrait avoir du mouvement et finalement, c'est à peu près un des rares endroits où on ne sait pas encore ce qui se passera l'an prochain niveau transfert. Mais c'est vrai que, bon, après avoir, encore une fois, ne nous emballons pas, c'est une course. Des fois, les débutants ou revenants font une excellente course et puis s'effondrent. Donc là, maintenant, l'intérêt pour Ricardo, notamment dès ce week-end, avant la pause, c'est de montrer que c'est bien lui, qui revient en patron, en fait, simplement. On a Furtos dans le chat qui dit « Il paraît, Corner aurait dit, donc là, vous sur un niveau d'expertise, là, que Ricardo avait une mauvaise habitude de conduite durant son passage chez Renault et McLaren. Est-ce que c'est vrai ? Mais c'est possible, oui. En vrai, il a dû s'adapter. » Ouais. C'est pas « il paraît », c'est totalement ça. Hein. Il l'a dit. Ouais. Mauvaise, il l'a dit. Mauvaise habitude et perte de confiance, en fait. Qui est... Mais après, chez Renault... Moi, je veux vraiment, parce que je sais que Jacques Villeneuve, notamment, s'est montré très violent sur les 4 saisons de Ricardo, qui a le qualité incroyable. C'est faux. Factuellement, la saison 2019 est correcte. La saison 2020 de Ricardo, elle est excellente. Et c'est dommage qu'il quitte Renault, parce qu'elle est vraiment stratosphérique. Il y a quand même 2 podiums. Il finit 5e, je crois, au 6e championnat. Il est vraiment tout le temps là. Il est tout le temps en Q3, tout le temps dans les points. C'est vraiment une super saison. 2021, c'est très dur. 2022, c'est catastrophique. Mais c'est pas 4 saisons pitoyables. C'est. Au pire des cas, c'est une très mauvaise saison 2022, il n'y a rien de pitoyable dans ce qu'a fait Ricardo, donc on peut déjà remettre ça en place. Et par contre, effectivement, il a pris des habitudes différentes, il a pris des façons de faire différentes, il n'était plus le pilote qu'il voulait parce qu'il n'avait pas le feeling, et effectivement, il a perdu ce côté ultra attaquant qu'il avait avant, plus le manque de confiance et tout. C'est un ensemble de choses qui sont un manque, un changement d'habitude en fait, mais c'est plus une question d'approche au bout du compte, où il s'est retrouvé vraiment totalement à l'opposé de ce qu'il était au départ chez Red Bull. C'est toujours rigolo de voir Jacques Villeneuve critiquer le retour en F1 derrière Ricardo, sachant qu'il est revenu en 2004 chez Renault après avoir fait 2 saisons plutôt compliquées chez Baronda. Mais ça, c'est... Et je vois que Ricardo a tout à fait pu s'épanouir chez Renault Alpine, oui, mais n'oublions pas que quand il quitte Renault Alpine, Renault est au bord du désengagement de la F1, puisqu'on est en plein Covid et que le board est contre la présence de Renault en F1. Donc Ricardo a sauvé sa carrière, en tout cas sa présence en F1, parce qu'il avait peur de se retrouver sans volant. Exactement. Chez Haas, messieurs. Et donc c'est Alpine. Chez Haas, 3 Hülkenberg quand même, encore une fois. Oui, non, mais c'est en calibre, c'est fou. C'est 5 vraiment... dixièmes. Hein. Same player. Et Magnussen qui souffre toujours autant, exactement. Ouais, c'est, ouais. C'est les plus gros écarts cette année. Hein, Magnussen, il prend des valises là quand même, là, ça devient inquiétant. Il l'a dit, ouais, il l'a reconnu là, effectivement, que sur un tour, il n'y arrive pas. Avec cette voiture-là, il n'y arrive pas. Par contre, en course, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus proche. Il y a pas de, oui. Il y a beaucoup moins de différence, pardon. Mais ouais, effectivement, sur un tour, Hülkenberg, c'est Monsieur Calife, quoi. Donc Q3 encore. Que dire tant qu'ils n'auront pas résolu leur problème de gestion des pneus sur la VF23, et des solutions sont attendues, mais pas avant la reprise, hein, parce qu'il y a des évolutions qui apparaîtront, hein. Je pense à Zandvoort, je pense qu'ils n'ont pas d'autre solution que de faire avec, et Hülkenberg l'a d'ailleurs clairement dit, c'est nous ne pouvons plus faire mieux, Kevin et moi, c'est maintenant de la responsabilité des équipes, et c'est rare que chez Haas la pression change de camp, parce que maintenant, au lieu de mettre la pression sur les pilotes, la pression repasse vraiment sur l'équipe. On sait que les pilotes, c'est pas tellement le souci, puisqu'on voit que Magnussen se débrouille quand même très bien en course. Je pense pas qu'il ait perdu son coup de volant comme ça. Hülkenberg est un monstre en qualification, mais ça on le savait déjà. Par contre, pour aller taper un podium, ça on sait qu'il sait pas faire non plus. on verra un jour s'il y arrive, mais voilà, la pression a changé de camp. Et du coup, effectivement, c'est à Steiner de motiver ses équipes, ses troupes. Et c'est Ralf Schumacher, que je n'aime pas trop citer, mais pour le coup a dit des choses très très justes. C'est à Gunther Steiner, effectivement, maintenant, de ne plus se cacher derrière l'excuse de « on est la petite équipe, on n'a pas les ressources ». Ils sont au budget cap, ils ont ce qu'il faut pour développer une voiture, ils ont le maximum quasiment de temps de soufflerie, pareil en simulation. S'ils veulent remonter, ils peuvent le faire. Donc à eux, effectivement, de donner la voiture qu'il faut à leur pilote et de savoir la développer, parce que c'est aussi ça le jeu de la Formule 1. C'est pas juste sortir une voiture en début d'année et de voir ce que tu vas faire avec pendant 22 courses, c'est de la développer. Et pour l'instant, As, là-dessus, je suis désolé, depuis qu'ils sont arrivés en F1, ça n'a jamais été, ou très rarement été en tout cas, un modèle. Donc il est temps qu'effectivement, en termes de philosophie, le dilettantisme côté développement de As s'efface. Totalement. De toute façon, au bout d'un moment, on corrige les défauts, on fait évoluer les choses, etc. La question qui va falloir se poser, c'est est-ce que le plafond de verre n'est pas atteint pour Günther Steiner? Est-ce qu'il ne faut pas maintenant... Il a monté le projet, il a développé le projet. Là-dessus, bravo à lui, parce qu'il a fait venir un projet totalement nouveau en F1, de la manière dont il était amené, tout ça. Est-ce qu'aujourd'hui, Haas n'a pas besoin d'un nouveau leader pour avoir un nouveau souffle et avoir quelque chose qui se passe mieux? Parce que Günther Steiner, ça a ses limites. On voit que c'est bien beau de dire on fait venir un coup, on fait venir deux débutants, après on fait venir un expérimenté, on sacle le deuxième débutant parce que l'expérimenté fait mieux, mais finalement on fait revenir un autre pilote expérimenté qui défonce le deuxième pilote expérimenté. Donc on voit qu'en fait, c'est toutes ces préconceptions sur qu'est-ce qu'un pilote ne marche pas, en fait, tout simplement. Il a des idées comme ça qui met en place, qui justifie ses décisions, mais avec ses propres décisions, il contradit ses propres préconceptions. Donc au final, il tourne un peu en rond sur lui-même et on voit que la gestion de l'équipe, elle n'est pas si bonne que ça, en fait. Le projet a été très bien lancé et comme beaucoup de projets, quand ils sont bien lancés par un directeur d'équipe, est-ce qu'il n'est pas maintenant temps pour Gene Haas de dire à Günther Steiner, au pire, il le laisse dans un rôle de consultant ou je ne sais pas quoi, s'il ne veut pas le saquer totalement parce que c'est vraiment son bébé, mais dire maintenant, on prend un directeur sportif qui va prendre les devants et faire évoluer Haas vers une équipe qui fonctionnera aussi bien que les autres, malgré le fait que sa façon d'être conçue ne soit pas la même. Ah non, c'est effectivement, oui. Juste avant d'en arriver là, peut-être qu'il y a aussi peut-être un changement de philosophie déjà en interne sur comment on aborde la phase de conception et de développement d'une F1. Peut-être qu'effectivement, As s'est aussi retrouvé paralysé par plusieurs années d'incertitude financière et de survie qui maintenant n'ont plus lieu d'exister. Il serait peut-être temps que Steiner se dise effectivement, maintenant, une équipe de F1, c'est pas que concevoir la F1 l'année suivante et penser ensuite à l'année suivante tout de suite. C'est effectivement dire à ces équipes, ok, à partir de cette année, vous concevez une F1, mais aussi vous la développez. Et parce qu'on n'a plus cette épée de Damoclès sur notre survie. Gene Haas, il veut rester, il n'a pas envie de vendre d'ailleurs, il a certainement été approché par Andretti comme les 9 autres équipes du plateau. Ça vaut maintenant plusieurs centaines de millions d'euros, pas encore le milliard, je pense pas qu'on soit à ce niveau-là, mais facilement plusieurs centaines de millions d'euros. Et il y a des sponsors, et ils sont au budget de cap, et il y a des revenus et tout. Donc maintenant, peut-être, avant de penser peut-être à changer Steiner, qui puisse libérer peut-être les esprits créatifs de son équipe, s'il y en a, ou donner mission à Dallara et aux concepteurs qui payent à côté, et ben d'avoir un plan clair de lancement de voiture plus phase de développement. Je pense que c'est quelque chose qui n'est pas encore peut-être mis en application. Donc avant de faire sauter Steiner, j'aimerais au moins voir ça appliqué pour voir si ça peut déjà changer les choses. Ouais, Marie-Jean Balek nous dit que le problème n'est pas Steiner, mais la philosophie de l'équipe qu'il faut changer. Mais qui est responsable de la philosophie de l'équipe? Steiner, oui, c'est ça. Mais la philosophie de l'équipe, elle n'est pas forcément à changer parce que entre 2016, 2017, 2018, il y a une vraie progression. Il ne faut pas oublier qu'en 2018, il joue la 4e place du championnat. Il joue quasiment le podium en Autriche, par exemple. Après, il passe 3 saisons avec la même voiture. Là, c'est une catastrophe. On est assez revenu là-dessus. 2022, la voiture naît très bien. Il la développe mal. Cette année, elle naît moins bien. Il la développe mieux. Il ne faut pas oublier qu'ils amènent des évolutions quand même en début de saison. Et qu'au moment où ils amènent des évolutions, ils font 4e à Miami, en qualif. Ils font la 2e place, bon, un peu circonstancielle au Canada, mais il fallait quand même la faire. Ils font quand même des Q3, ils en sont à 6 Q3 avec Hülkenberg. Il y a certains pilotes dans des équipes de midfield qui n'ont pas autant de Q3, et Perez n'a pas autant de Q3. Donc il y a quand même un truc qui fait que la Haas fonctionne et reste à un niveau qui est correct avec ses évolutions. C'est-à-dire qu'elle n'est pas, c'est pas une catégorie non plus. Quoi. Oui, mais elle est trop pointue, elle ne sait pas tenir une course. Mais moi, je pense que, ouais, trop pointue ou juste, je pense qu'elle a peut-être ses petits défauts qui font que, par exemple, elle chauffe très bien ses pneus sur un tour parce qu'elle a une motricité qui n'est pas forcément idéale et pas forcément trop douce, mais par contre, en course, ça détruit les pneus, notamment les pneus arrière, hein, c'est souvent le gros sujet de problématique chez Haas, mais les évolutions ont fait quand même de l'apport de performance. C'est pas, ça n'a pas apporté ce qu'ils voulaient en termes de sérénité. Ils sont un peu inquiets pour 2024 parce qu'ils ne savent pas s'ils vont résoudre ce problème de destruction des pneus, hein, littéralement. Mais le fait est que la Haas sur un tour est une voiture rapide et que surtout c'est une voiture rapide depuis le début de saison. Ce qu'ils jouaient comme place en début de saison, ils le jouent toujours, ce qui veut dire que techniquement, ils ont rapporté des évolutions qui leur permettent de garder leur rang en fait. Et ça, c'est un truc qu'on n'avait jamais vu chez Haas, puisque en 2022, ils apportent une évolution qui fait régresser la voiture et les années d'avant, ils n'apportaient pas d'évolution. Et en 2019, ils apportent une évolution qui fait que la voiture est inconduisible. Donc on voit qu'il y a du mieux. Mais effectivement, maintenant, il y a peut-être besoin d'un second souffle, quelque chose pour aller un peu plus loin. Mais après, c'est pas un projet raté. Moi, souvent, je vois beaucoup de gens taper sur Haas en disant de toute façon, ils sont venus à moindre coût. On fait un projet raté, on fait un projet qui fonctionnera jamais. Non, le projet Haas, il est intelligent, il est très intelligent et il fonctionne, il peut fonctionner. Mais maintenant, il faut aussi savoir à quel moment on saura qu'il faut changer les choses au niveau du personnel. Bah, ils vont faire venir Laurent Rossi pour arrêter le dilettantisme, voilà, de cette équipe. Exactement, et c'est la clé. Hein, il faudra tous les trucs comme il faut, voilà. Laurent aussi est annoncé partout du coup hein, ce soir. Hein. Mais Laurent aussi est également annoncé au bingo de Saint-Amand-les-Eaux puisqu'il fera les numéros. Ce qui paraît, il aurait été approché par le Super U de Vesoul parce qu'il y a un peu de dilettantisme dans l'équipe aussi. Exactement, ils ont déjà un manager fort, donc non, il y a des. Moi je me dis, il y a des belles opportunités d'avenir. Mais du coup, bonne transition. Bah oui, on y est. Évidemment. Alpine, voilà, c'est bien. Qui ça? Alpine. Alors oui, effectivement, si vous avez allumé votre télé à 15h04, du coup, vous n'étiez pas au courant qu'Alpine faisait le Grand Prix. À 15h04, on les voyait encore dans les stands. C'est vrai, 15h06. Allez, c'est vrai qu'on voit encore entre le stand en galère. Mais c'était... Après, en soi, ils n'y peuvent rien sur le Grand Prix. D'accord, ils sont accrochés, non, voilà, là, c'est un manque de bol. Maintenant, il y a quand même tout ce côté où, encore une fois, ça jouait 5-6e force du plateau au mieux. Quoi. Ils n'y peuvent rien. Et c'est, par contre, Gasly et Ocon disent les premiers, on serait mieux qualifiés, on n'aurait pas été dans ce circuit. Bah, oui. C'est oui, sachant que c'est un circuit qui aurait dû leur convenir. Là aussi, on se rappelle tous du Grand Prix de Monaco. Alors, évidemment, ne comparons pas Monaco à la Hongrie directement. Mais on parle d'un tracé avec des virages plutôt lents qui normalement favorisait la 523. Et là, bah, oui, une double élimination en Q2, c'est pas brillant. Et effectivement, au départ, ils y peuvent rien. Mais comme les pilotes l'ont effectivement dit, à se qualifier trop bas, on prend plus de risques et on s'expose à des dangers comme un strike, comme c'était le cas. Et puis, bah, on l'a mentionné, le départ de Rossi, voilà, un énième changement chez Alpine, une énième restructuration dans le groupe et dans l'équipe. Donc, voilà, on a l'impression que ça n'avance pas, en fait. Ça n'avance pas en piste et le projet n'avance pas non plus, puisqu'à chaque fois, on repart de zéro. En tout cas, c'est l'impression que ça donne. Alors, est-ce que ce changement sera pour le mieux? Je ne sais pas, mais c'est, voilà, moi je suis un peu lassé de parler d'Alpine à chaque émission parce que j'aimerais en dire du bien de cette équipe. C'est d'une certaine manière, c'est un peu notre équipe de France, voilà, une équipe française avec deux pilotes français. Je pense qu'on serait tous contents d'avoir brillé, mais on est obligé de constater malheureusement que en piste ça ne marche pas. Moi je trouve qu'à part le podium de Monaco, il n'y a aucun résultat marquant cette année chez Alpine. Enfin, si vous avez une course marquante à me citer pour cette équipe à part Monaco, dites-le moi, parce que moi je ne pense pas que je me rappellerai de grand chose d'Alpine cette année. Et voilà, quand en interne, ouais en fait, sur les trois premiers départs. Ce qui est terrible, c'est que factuellement, les trois images fortes pour l'instant de la saison d'Alpine, c'est deux doubles accrochages et un podium. Et c'est vrai qu'il n'y a pas grand-chose d'autre. Mmh. Et le podium, finalement, heureusement qu'ils le font, parce que sans ça, la saison, elle est catastrophique. Elle est nulle, en fait. Je suis désolé, mais pour une équipe qui ambitionnait de terminer quatrième du championnat au contact des meilleures équipes, c'est un énorme raté. C'est un énorme raté. Ouais. Le fait qu'Aston Martin, en début de saison, ait réussi un bond en avant, on peut se dire c'est peut-être l'exception qui confirme la règle. Mais maintenant, McLaren qui arrive et qui les met dans le rétro en trois Grands Prix, c'est d'une violence énorme pour Alpine, quand même, qui, en théorie, est mieux armée qu'une équipe pour McLaren pour jouer à l'avant. Donc, c'est vraiment dur. C'est vraiment dur. J'ai hâte de recevoir le livre de fin d'année Alpine Inside saison 3. Il va être magnifique, je sens. Écoutez, Laurent Rossi avait annoncé du changement dans sa chronique sur le site de la F1. Donc, écoute, c'est lui-même qui saute. Voilà. Il n'y a pas plus beau, je pense. Après, j'aimerais bien savoir si Fama a été nommé avant de savoir qu'il allait sauter. Ou est-ce que c'est vraiment un pur hasard, effectivement, et il pensait vraiment rester. J'aimerais bien avoir le vrai du vrai là derrière. Après, moi, je trouve dommage de remplacer, de mettre quelqu'un d'autre entre Famin et Safnauer. Je pense que ça aurait fait une meilleure équipe sans que Philippe Kriff, qui va remplacer Rossi, puisqu'il s'occupera aussi de l'équipe, parce que j'ai compris. Pour moi, ça aurait été beaucoup plus logique de mettre des gens du sport auto pour gérer cette équipe directement, sans lien direct entre guillemets avec la partie marque, branding, effectivement, mais... voiture. Et voir un duo Famin Safnauer effectivement gérer l'équipe Alpine et effectivement pouvoir enfin dérouler quelque chose sans avoir en fait certainement toujours cette impression d'avoir cette caméra mise par Luca De Meo et tout le board du groupe Renault sur cette équipe qui je pense n'arrive pas à se libérer peut-être quoi ou à oser. Je pense pas que Krief soit là. Enfin, je pense que Krief va plus être très impliqué sur la F1, justement. Oui, de ce que j'ai compris, justement, c'est que l'arrivée de Famin permet à Krief de prendre un rôle beaucoup plus loin de la F1 et plus proche de la marque, sachant que Rossi, ça a toujours été, il a toujours été nommé comme quelqu'un de transition. Alpine avait besoin d'un PDG de transition pour relancer son business. C'est fait, et c'était le porte-parole, entre guillemets, de Luca De Meo à son arrivée, mais là, ils avaient besoin de quelqu'un d'autre, et je pense effectivement qu'il va être beaucoup plus éloigné de la F1 que Rossi, et que Famin prendra le rôle qu'avait Rossi, qui est celui de responsable du programme F1. Après, ça fait quand même pour moi toujours un pas doublon avec Safnauer, mais c'est attention à eux à ne pas avoir deux personnes pour le même poste au final, parce qu'il y a toujours une inquiétude dans ce genre de cas d'avoir des pouvoirs qui se chevauchent un peu et qui au final ne donnent jamais quelque chose de positif quand ça arrive. Oui, donc clairement. Mais après, bon, effectivement, comme Famin va superviser tous les programmes, après, on rappelle, hein, superviser le programme endurance d'Alpine, sachant que c'est Signatec qui va s'occuper de l'exploitation. Il oui, c'est sorte, pas grand chose. Il va signer des chèques, quoi, c'est tout. C'est ça, il aura pas. Il va juste temps en temps dire bah bravo, parce que la voiture a développé. Enfin, globalement, ils l'ont. Elle est faite, la voiture, maintenant, donc il va pas. Non, après, pour aussi, ça ressemble quand même à une mise au placard. Après, je pense que le timing est un peu malheureux. Enfin, si c'était vraiment prévu comme ça, je pense qu'ils auraient mieux fait d'annoncer la nomination de Famin et le départ de Rossi tout en même temps. En fait. Ça fait un peu brouillon en fait, dans la communication d'avoir eu cette chose-là en deux temps. Si c'était prévu effectivement en même temps, et je pense quand même que c'était prévu en même temps, enfin, je vois pas une boîte comme Alpine gérer ça d'une manière aussi dilettante. Voilà, je pense qu'effectivement ça a dû être réfléchi et acté par Luca De Meo et le board d'avoir cette double changement, c'est-à-dire nomination de Famin et départ de Rossi. Je trouve juste un peu dommage qu'on n'ait pas fait l'annonce en même temps, parce que c'est à quelques jours d'écart en fait, pas plus. Et Rossi reste quand même dans les projets spéciaux d'Alpine, voilà, donc il a le placard d'à côté de Brivio. Je ne sais pas où est-ce qu'ils vont le mettre, mais bon, voilà, les placards apparemment sont assez. On sait des placards de F1, ça doit être grand hein, quand même. Oui, voilà, bon, c'est très très grand, mais hein, c'est. Voilà, ça arrive à un moment effectivement où Alpine est un peu sur le déclin, qui fait du coup croire qu'il paye ça, alors qu'effectivement, Rossi, normalement, 90% de son temps, c'est vraiment que la marque, c'est pas normalement l'équipe de F1. Maintenant, il a peut-être eu aussi l'erreur peut-être d'avoir peut-être trop fourré son nez dans l'équipe de F1, peut-être d'avoir été trop associé à l'équipe de F1 et pas forcément assez à la marque, qui fait qu'aujourd'hui du coup on a cette impression là en fait, on a l'impression que c'est lui qui a fait de la merde chez Alpine F1, alors que pas du tout a priori en tout cas, mais il avait peut-être trop son nez dans les affaires d'Alpine F1 pour au goût de peut-être de Luca De Meo, et j'espère effectivement qu'on va retrouver une gestion plus saine avec Famin et Safnauer en tout cas pour ne pas avoir cette sorte de cadenas ou de chape de plomb qui vient du siège social quoi. Non, c'est ça, c'est clairement compliqué. La laisse nous dit, alors par contre comme Rossi n'avait pas de contrat avec Alpine, il n'est pas viré parce qu'ils avaient tous un contrat là-bas. On ne sait pas déjà que personne n'a de contrat. Donc c'est peut-être personne n'est payé d'ailleurs non plus. Donc tu vois, voilà. C'est du bénévolat, vous savez, c'est bien ce qu'ils arrivent à faire. Hein, avec... Comme Helmut Marko d'ailleurs, hein, c'est d'ailleurs un des gros points du budget de cap. Effectivement, c'est Helmut Marko qui est là sur tous les week-ends de Grand Prix avec Red Bull. qui fait un taf énorme et qui au final ne rentre pas dans le budget de l'équipe parce qu'il est payé directement par Red Bull, la maison mère, quoi. Ça fait un peu grincer des dents. Et alors imaginez les repas qu'il prend à l'usine. Ah bah oui. Alors là c'est on est complètement perdu sur le budget cap. Hein. Non là c'est pour Alpine c'est... Moi je avoue que une fois en gros j'ai vu Piastri tenter de décroiser et je ne sais plus tout ce qui s'est passé devant au départ parce que j'ai juste vu les deux voitures bleues monter une sur l'autre et ça m'a une image m'a absolument outré. Finalement évidemment elles n'y sont pour rien mais encore une fois comme on l'a dit si elle se qualifie mieux et c'est vraiment compliqué. La bonne nouvelle, c'est qu'on ne peut pas parler de déjà vu, parce que la dernière fois que c'est arrivé, elles étaient roses. Donc au moins, ça fait déjà vu. Exactement, c'est petit. Mais c'est vrai que quand elles étaient roses, elles allaient plus vite. Donc, est-ce que, voilà. Ah oui, mais j'ai toujours dit. De les repeindre, effectivement. Pas à Monaco. C'est vrai. Mais paradoxalement, Monaco, c'est quand même là où elles ont fait le tour le plus long de la saison. Ah bah oui, mais ça, à un moment donné, c'est compliqué. Ah, hein, la Hongrie 2021, bien loin, en tout cas. Ah bah là, en fait, ce qui est terrible avec Alpine, c'est que l'an dernier, ils se félicitaient d'une saison meilleure que 2021, même sans podium, parce que factuellement, elle était meilleure, il y avait plus de constance, plus de bonnes évolutions, tout ça. Et ils disaient, en fait, ce qui nous manque maintenant, c'est un podium avec une saison de ce gabarit-là. Mais en fait, non, ils ne sont pas capables de faire les deux. Soit ils font un coup d'éclat ou deux dans la saison, et la saison n'est pas terrible, ce qui était le cas en 2021. Soit ils font une bonne saison moyenne, mais en fait, en étant juste dans le ventre mou du truc. Et même... Avant même ce départ catastrophique, les qualifs sont pas bonnes et on voit que Alpine n'arrive pas à se sortir de ce espèce de marasme dans lequel ils sont depuis le début de saison où au final, quand tout va bien, ça joue la 6-7e place en qualif et la 6-7e place en course et quand tout va mal, ça descend à la limite de pas être qualifié en Q1 quoi. Donc c'est malheureusement aujourd'hui, ils font partie du ventre mou de la F1, la 5e place elle est déjà hors de portée parce que McLaren leur a collé 80 points en 3 week-ends et qu'ils n'arriveront pas à rattraper. Et en plus, l'écart va sûrement grandir. Et maintenant, bah, voilà, ils sont sûrement isolés à leur 6e place, qui sera leur place d'arrivée à la fin de la saison. Et c'est triste. Alors bon, ils disent toujours oui, mais on a encore 60 courses, donc tout va bien. Mais il va falloir se bouger le cul de manière sérieuse, parce que là, il n'y a pas de reset. On ne pourra pas dire au milieu, quand il restera 35 courses, oui, mais maintenant, on repart à zéro, il reste 100. Non. Là, il faudra. Alors, Zafnauer a dit, j'espère qu'on va me laisser les 100 courses en tant que directeur pour que. Lui, en fait, je pense qu'il sera prêt à la 100e course, s'ils n'ont pas gagné, à dire « je me casse, j'ai pas fait mon boulot ». Mais par contre, c'est vrai que ce serait injuste qu'il n'aille pas jusqu'au bout, parce que bah, de toute façon, on sait, malgré tout, la F1 est faite de projets à long terme. On voit avec McLaren, hein, qui a eu l'arrivée de Zak Brown, il y a eu du mieux, du moins bien, redu mieux. C'est très compliqué, un projet à long terme. On voit que Ferrari a été incapable de faire fonctionner le projet sur l'axe complet Binotto, où il y a eu ce moment où ça n'a plus allé. Bref, toutes les équipes ont du mal à faire ça, et comme il le dit très justement, Zafnauer, même Mercedes, en arrivant en F1 avec des gros moyens, a eu 5 ans pour gagner, Red Bull a mis 5 ans à gagner, donc pourquoi pas laisser Alpine 5 ans pour gagner. Sauf que Alpine était déjà là avant, puisque c'était Renault, donc ça fait déjà plus de 5 ans qu'ils sont revenus en F1, et en plus de ça, c'est un peu arbitraire de dire, bah, là maintenant, on est sur un projet de 5 ans, on ne l'était pas avant. Donc, là, ils n'ont plus de choix, en fait. C'est-à-dire que si le projet ne fonctionne pas, au bout d'un moment, il faudra juste faire un grand coup de pied dans la fourmilière une nouvelle fois, mais en admettant que les objectifs n'ont pas été remplis et que le projet en lui-même est un échec. On n'en est pas encore là, mais on s'en approche. C'est vrai, ça sera pas compliqué, mais il va falloir que ça aille mieux du côté d'Alpine. Voilà, messieurs, écoutez, encore une émission rondement menée avec ce Grand Prix de Hongrie. Merci à Jockey, à Camion de Lubrifiant, à Louis, à Nick054, très bon pseudo, hein. À YouTube Prime et à Vericross qui sont abonnés ce soir, c'est très gentil de votre part. Merci Franck, merci Paul, merci Manu, parce que ce fut extrêmement sympa de débriefer ce Grand Prix avec vous. Et puis la bonne nouvelle, c'est qu'on se retrouve non pas mardi, mais même lundi prochain. Parce qu'on n'aime pas. 7 jours, c'est long. Donc on s'est dit, la semaine prochaine, on sera dans 6 jours, rendez-vous compte. On va être en vacances plus vite. Voilà, voilà. Mardi matin, autoroute du soleil, merci, au revoir. En 3 semaines, c'est repos. Hein, voilà. Mais on reviendra donc sur le Grand Prix de Belgique. Un Grand Prix sprint, n'oubliez pas. Un superbe sprint samedi à 16h. Ça va être super sympa avec la victoire de Max Verstappen. Si tu spoil les Grands Prix, si tu spoil les Grands Prix aussi, Franck, ça va pas aller à un moment donné. Ah oui, mais zut, la FOM m'a dit que je vais pas dévoiler les résultats des 4 prochains. Je donne juste une histoire. Et surtout, c'est vrai qu'en plus de sprint, il y aura le sprint shootout samedi matin. Donc ça, ce sera quand même fameux. Pas trop tôt le matin, j'espère. Hein, non, ça, parce que samedi matin. Ah non, c'est trop tôt à 14h, je crois. Non, à 12h, donc ça va. Oh, quand même. Va être, non, les pilotes vont devoir naviguer entre les odeurs de cornet. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien maintenant, les matins de week-end de F1, il n'y a plus de F1. Mais oui, mais je crois simplement que Dominique Galli est quelqu'un qui aime dormir le matin. voilà, si on est obligé d'arriver au circuit en 13h. C'est Manu qui a dû souffler les programmes, je pense. Ouais, voilà, la flemme. Franchement, se lever à 7h un samedi matin pour faire des essais libres 3, ça va, hein, j'ai autre chose à foutre. ouais, mais regarde, le problème avec les Grands Prix matinaux maintenant, là où avant tu avais le Grand Prix Australie, tu avais une séance d'essai à minuit, tu vois, tu pouvais dire, allez, on prolonge la journée, machin, bah non, la première séance d'essai à 3h du mat, parce que bon, bah, c'est des horaires bizarres. Et au Japon, ce sera pareil. Cyclody, regardez les F3, F2, c'est quand même le sprint. Mais on peut regarder la F3, la F2 et le sprint, puisque heureusement, ça n'est pas en même temps, imaginez. Et tu peux même regarder les sprints en F3 et en F2, puisque eux aussi, hein, non. Et oui, il y a des sprints partout, c'est génial. On adore les sprints. Donc moi, je ne regarderai qu'une seule épreuve aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Le sprint, le 100 mètres, voilà. Dès que ça dépasse maintenant 30 minutes... Je ne suis plus dedans. Vous remarquez que mes débuts d'émission sont excellents, mais alors après, passer la première demi-heure, il n'y a plus personne. Bah, c'est pareil pour la F1. Je ne veux que 30 minutes. Donc vous verrez un petit peu ce que ça donnera, évidemment. Il murmure qu'il pourrait pleuvoir. Je prends des risques. Grand Prix de Belgique, pourrait pleuvoir. Tente un petit truc. Donc Lando Norris out dans le raidillon, gâche une pole, voilà, tout ça, quoi. Ouais, mais est-ce qu'Albon va faire deuxième avec la Williams? C'est la question que je me pose maintenant, ça c'est un peu... Et Formule Blabla, tu as fait raison, le retour évidemment samedi des Formule Blabla Sprint F1 Restart Challenge World Championship où je aurai l'honneur de prendre part à la course où je me ferai certainement voler, comme le veut la coutume bien sûr. On se retrouvera donc jeudi aussi pour le Racing Café, lundi pour un nouvel épisode de Grand Prix, samedi pour les Sprint Blabla F1 World Racing Championship Motorsport Championship Racing. C'est à peu près le nom officiel, il me semble. Power by AWS. Merci d'avoir été là. Bonne nuit tout le monde et à bientôt. Ciao, ciao. Ciao. Ciao, bonne soirée.